de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Louis Jouvet, Arnaud Dit, Fernandel l'ont incarné à l'écran. Avant cela, André Lefort, en 1928, avait été le premier Topaz sur scène, puisqu'avant tout, Topaz est une pièce de théâtre. De Topaz, on a tendance, peut-être, à plus garder en mémoire les scènes se déroulant dans une salle de classe, les fameux moutons qui étaient en liberté. Mais la pièce de Marcel Pagnol nous fait vite quitter cette classe et explorer d'autres univers, en tout cas celui des affaires, affaires douteuses, affaires de concussion, de prévarication, de canaillerie. Ah, la probité, ça se paye cher. Voici donc Topaz, l'homme à qui l'on fait faire honnêtement des affaires malhonnêtes. Pour son émission Lectures à une voix, Michel Pollack avait fait appel à l'un des comédiens, à l'époque, les plus appréciés du public. On allait le voir bientôt dans le film Papa, Maman, la bonne et moi. C'était Robert Lamoureux. Lectures à une voix, Topaz, première diffusion sur la chaîne nationale le 20 juillet 1954. La radiodiffusion télévision française présente une émission publique du Club des Sept, transmise du Théâtre de Babylone, Lecture à une voix, émission de Michel Pollack et Guy Maxence. Aujourd'hui, Topaz, comédie de Marcel Pagnol de l'Académie française, lue par Robert Lamoureux. Voici Robert Lamoureux. De Marcel Pagnol, Topaz, une comédie en quatre actes. En exergue, la société, voyez-vous, monsieur, si elle continue, elle tuera les justes. Parole d'un garçon coiffeur. Acte premier. Une salle de classe à la pension Muche. Les murs sont tapissés de cartes de géographie, de tableaux de poids et mesure, d'images anti-alcooliques. Foi d'un homme sain, foi alcoolique. Au-dessus des tableaux, une frise de papier crème sur laquelle se détachent en grosses lettres diverses inscriptions morales. Pauvreté n'est pas vice, il vaut mieux souffrir le mal que de le faire. L'oisiveté, la mère de tous les vices, bonne renommée. Enfin, au centre, au-dessus de la chaire, l'argent ne fait pas le bonheur. Devant la chaire, deux rangées de bancs d'écoliers, séparées par une allée. Quand le rideau se lève, M. Topaz fait faire une dictée à un élève. M. Topaz a 30 ans environ, longue barbe noire qui se termine en pointe sur le premier bouton du gilet, col droit très haut, en celluloïde, cravate misérable, redingote usée, souliers à boutons. L'élève est un petit garçon de 12 ans, il tourne le dos au public, on voit ses oreilles décollées, son cou d'oiseau mal nourri. Topaz dicte et de temps à autre, il se penche sur l'épaule du petit garçon pour lire ce qu'il écrit. Des moutons, était en sûreté dans un parc, des moutons, moutons, voyons mon petit, faites un effort, je dis moutons, étaient, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas qu'un mouton, il y avait plusieurs moutons, l'élève le regarde perdu, à ce moment, par une porte qui s'ouvre, entre Ernestine Muche. C'est une jeune fille de 22 ans, petite bourgeoise, vêtue avec une élégance bon marché. Elle porte une serviette sous le bras. Bonjour, monsieur Topaz. Bonjour, mademoiselle Muche. Vous n'avez pas vu mon père? Non, monsieur le directeur ne s'est point montré ce matin. Quelle heure est-il donc? Il est 8h moins 10, mademoiselle. Le tambour va rouler dans 35 minutes exactement. Vous êtes bien en avance pour votre classe. Tant mieux, car j'ai du travail. Voulez-vous me prêter votre encre rouge? Avec le plus grand plaisir, mademoiselle. Je viens tout justement d'acheter ce flacon et je vais le déboucher pour vous. Vous êtes fort aimable. Vous allez corriger des devoirs? Oui, et je n'aime pas beaucoup ce genre d'exercice. Oh, pour moi, c'est curieux. J'ai toujours eu un penchant naturel à corriger des devoirs, au point que je me suis surpris parfois à rectifier l'orthographe des affiches dans les tramways ou sur les murs. Voici, mademoiselle. Et je vous prie de garder ce flacon aussi longtemps qu'il vous sera nécessaire. Merci, monsieur Topaz. Tout à votre service, mademoiselle. Tout à mon service? Ah, c'est une phrase toute faite, mais vous la dites bien. Oh, je la dis de mon mieux, très sincèrement. Oui, il y a 15 jours, vous ne la disiez pas, mais vous étiez beaucoup plus aimable. En quoi, mademoiselle? Ben, vous m'apportiez des boîtes de crêpes couleur ou des calendriers perpétuels et vous veniez jusque dans ma classe corriger les devoirs des élèves. Aujourd'hui, vous ne m'offrez plus de m'aider. Vous aider? Mais si j'avais sollicité cette faveur, me l'eussiez-vous accordée? Je ne sais pas, je me dis seulement que vous ne l'avez pas sollicité. Enfin, merci tout de même. Mademoiselle, permettez-moi. Non, j'ai beaucoup de travail, monsieur Topaz. Mademoiselle, mon cher collègue, je vous en supplie, ne me quittez pas sur un malentendu aussi complet. Quel malentendu? Il est exact que depuis plus d'une semaine, je ne vous ai pas offert mes services. N'en cherchez point une autre cause que ma discrétion. Je craignais d'abuser de votre complaisance et je redoutais un refus qui m'eût été d'autant plus pénible que le plaisir que je m'en promettais était plus grand. Voilà toute la vérité. Vous présentez fort bien les choses. Vous êtes beau parleur, monsieur Topaz. Oh, faites-moi la grâce de me confier cette voix. Non, je ne veux pas vous imposer une corvée. N'appelez point une corvée ce qui est une joie. Faut-il vous le dire, quand je suis seul le soir dans ma petite chambre, penché sur cette voix que vous avez dictée, ces problèmes que vous avez choisis, ces pièges orthographiques si délicatement féminins, il me semble que je suis encore près de vous. Monsieur Topaz, soyez correct, je vous en prie. Mademoiselle, je vous demande pardon, mais considérez que ce débat s'est engagé de telle sorte que vous ne pouvez plus me refuser cette faveur sans me laisser sous le coup d'une impression pénible et m'infliger un chagrin que je n'ai pas mérité. Bah, je veux bien encore vous céder cette fois. Oh, merci. Elle lui tend plusieurs lasses de devoirs, l'une après l'autre. Merci. Il me les faut pour demain matin. Vous les aurez. Et surtout, ne mettez pas trop d'annotations dans les marges. Si l'un de ces devoirs tombait sous les yeux de mon père, il reconnaîtrait votre écriture au premier coup d'œil. Et vous croyez que monsieur le directeur en serait fâché? Monsieur le directeur ferait de violents reproches à sa fille. Oh, j'ai une petite émotion quand je pense que nous faisons ensemble quelque chose de défendu. Taisez-vous. Nous avons un secret, quoi. C'est délicieux d'avoir un secret, une sorte de complicité. Si vous employez de pareils termes, je vais vous demander de me rendre mes devoirs. Non, n'en faites rien, mademoiselle, je serai capable de vous désobéir. Vous les aurez demain matin. Soit, demain matin à 8h30. Au revoir. Et pas un mot. Pas un mot. Ernestine sort par là où elle était venue. Topaz restait seul, rit de plaisir et lisse sa barbe. Il met ses liasses de devoirs dans son tiroir, enfin il reprend son livre et revient vers l'élève. Allons, revenons à nos moutons. Entre M. Muche, qui est un gros homme de 48 ans. Il a le teint frais, la nuque épaisse, courte barbe en pointe très soignée, une grosse bague au doigt, chaîne de montre éclatante, col cassé, costume neuf marron clair. Il paraît sévère et plein d'autorité. Topaz le salue avec respect. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, monsieur Topaz. Je désire vous dire deux mots. Bien, monsieur le directeur. Mon enfant, vous pouvez aller jouer. Si, monsieur. Monsieur Topaz, je suis surpris. De quoi, monsieur le directeur? Vous me forcez à vous rappeler l'article 27 du règlement de la pension Muche. Les professeurs qui donneront des leçons particulières dans leur classe seront tenus de verser à la direction 10% du prix de ces leçons. Or, vous m'aviez caché que vous donniez des leçons à cet élève. Monsieur le directeur, ce ne sont pas de véritables leçons. Je crains que vous ne jouiez sur les mots. Non, monsieur le directeur, ce sont des petites leçons gratuites. Gratuites? Oui, monsieur le directeur, des leçons gratuites. Cet enfant est très laborieux, mais il avait peine à suivre la classe. Personne ne semble s'être occupé de lui jusqu'ici. Sa famille, si toutefois il en a une. Comment, s'il en a une? Croyez-vous que cet enfant soit né par une génération spontanée? Non, monsieur le directeur. Ben, si ses parents avaient jugé nécessaire de lui faire donner des leçons, ils seraient venus m'en parler. Quant à donner des leçons gratuites, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la portée d'une pareille initiative. Si vous donnez des leçons gratuites, personne désormais ne voudra payer. Vous aurez ainsi privé de pain tous vos collègues qui ne peuvent s'offrir le luxe de travailler pour rien. Si vous êtes un nabab. N'en croyez rien, monsieur le directeur. Enfin, ça vous regarde. Mais votre générosité ne vous saurait vous dispenser de payer la taxe de 10%. Ce que j'en dis, d'ailleurs, n'est pas pour une misérable question d'argent, mais c'est par respect pour le règlement qui doit être aussi parfaitement immuable qu'une loi de la nature. Je comprends fort bien, monsieur le directeur. Bien. Monsieur le directeur, je crois que je vais réussir à faire entrer ici un nouvel élève. Ah oui. Oui, monsieur le directeur, je me permets de vous faire remarquer que c'est le septième. Le septième quoi? Ben, le septième élève que j'ai recruté cette année pour notre maison. Ah, vous avez donc rendu un très grand service à cette famille. Ah ben oui, au fait, c'est exact. D'ailleurs, nous n'avons plus de place et je ne sais pas du tout s'il me sera possible d'accueillir votre petit protégé. Le simple bon sens vous dira que la pension Muche n'est pas dilatable à l'infini. Nos murs ne sont pas en caoutchouc. Tiens, ben, moi qui croyais que nous avions moins d'élèves que l'année dernière. Monsieur Topaz apprenait qu'avant-hier, j'ai dû refuser moi-même le propre fils d'un grand personnage de la République. Ah, c'est fâcheux, monsieur le directeur, parce que je suis moralement engagé avec cette famille. Il est imprudent de promettre une faveur quand on n'est point maître de la dispenser. Comment s'appelle cet enfant? Gaston Courtois. Je regrette qu'il ne soit point noble. Particule influé sur ma décision. Au moins, est-ce un sujet d'élite? Peut-être. Je lui ai donné des leçons pendant un mois chez sa tante, car ses parents sont au Maroc. Il m'a semblé trouver chez lui une certaine agilité d'esprit, une aptitude à saisir les nuances. Bien, bien. Mais la famille acceptera-t-elle nos conditions? 800 francs par mois, un trimestre d'avance. Ça va sans dire. L'élève suivra les cours supplémentaires. Probablement. Escrime, modelage, chant choral. Sans aucun doute. 120 francs par mois, je le suppose. Danse, aquarelle, espéranto, 200 francs. La famille en comprendra la nécessité. Avez-vous dit que nous étions forcés d'ajouter au prix de la pension divers autres suppléments? Lesquels, monsieur le directeur? Fourniture de plumes et buvards, 6 francs. Autorisation de boire au robinet d'eau potable, 5 francs. Bibliothèque de fantaisie, 20 francs. Forfait de 30 francs pour les petites dégradations de matériel, telles que taches d'encre non gravées sur les pupitres, inscriptions dans les cabinets. Enfin, 6 francs par mois pour l'assurance contre les accidents proprement scolaires, foulures, luxations, fractures, scarlatine épidémique, oreillons et plumes dans l'œil. Vous pensez que toutes ces conditions seront acceptées? J'en suis persuadé. Bon, eh ben alors, c'est un sujet d'élite. Et je me sens tenu de faire un effort en sa faveur. Et d'autre part, puisque vous avez eu l'imprudence de vous engager, il faut bien que je vous tire de ce mauvais pas. Je vous en remercie, monsieur le directeur. Et dites à cette dame que chaque jour perdu est gros de conséquences pour cet enfant. Je l'attends le plus tôt possible. Ben, elle doit venir aujourd'hui même. Bien. J'espère, monsieur Topaz, que je n'oblige pas un ingrat et qu'un zèle redoublé de votre part me témoignera votre reconnaissance. Alors, vous pouvez y compter absolument, monsieur le directeur. Bien. Ah, voici le dossier que vous m'aviez remis pour les palmes académiques. Il fouille dans la chemise qu'il porte à la main depuis le début de la scène. Et j'ai le plaisir de vous dire que monsieur l'inspecteur d'académie m'a parlé de vous dans des termes les plus flatteurs. Vraiment. Et oui, il m'a dit, monsieur Topaz mérite 10 fois les palmes. Or, 10 fois, mérite 10 fois les palmes. Et j'ai eu presque honte quand j'ai appris qu'il ne les avait pas encore. Oh ben, vraiment, je suis confus, monsieur le directeur. D'autant plus, a-t-il ajouté, que je ne puis pas les lui donner cette année. Ah, il peut pas. Eh non. Il a dû distribuer tous les rubans dont il disposait à des maîtres plus anciens que vous. Tenez, reprenez votre dossier. Mais ces dernières paroles ont été dites bien à monsieur Topaz que pour cette année, je les lui décerne moralement. Moralement. Moralement. Et c'est peut-être encore plus beau. Entre Tamise. Il a visiblement le même tailleur que Topaz, mais sa barbe est carrée et il est plus petit. Serviette sous le bras, parapluie. Bonjour, mon vieux. Tiens, bonjour, Tamise. Ça ne va pas? Oh, ça va très bien, au contraire. Figure-toi que monsieur l'inspecteur d'académie a déclaré à monsieur Muche, parlant à sa personne, qu'il me décernait les palmes académiques moralement. Moralement? Ça veut dire ça? Ben, ça veut dire qu'il m'en juge digne et il a chargé le patron de m'annoncer en propre terme que je les ai moralement. Ah oui, ça doit tout de même te faire plaisir, mais enfin, tu ne les as pas. Évidemment, si on regarde les choses de près, je ne les ai pas. Et si tu veux que je te dise, ça ne m'étonne qu'à demi. Topaz, pourquoi? Ben, quand tu t'es fait inscrire parmi les postulants, je n'ai pas voulu formuler un avis que tu ne me demandais pas, mais je n'ai pas pu m'empêcher de penser que tu t'y prenais un peu tôt. Regarde, moi, j'ai 8 ans de plus que toi. Est-ce que j'ai demandé quelque chose? Non, j'attends. Mon cher qui ne demande rien n'a rien, Tamise. Oui, mais qui obtient trop tôt peut avoir l'air d'un arriviste. Oh, tu me crois arriviste? Non, non, j'ai dit peut avoir l'air. Entre Panico. Panico est très grand, le dos voûté par les ans, il a largement dépassé la 60aine, il a les dents vertes et marche la pointe des pieds troussée. Son chapeau de paille a des bords gondelés, il roule entre ses vieux doigts une cigarette fripée, un parapluie verdâtre pendu au bras. Bonjour mes chers collègues. Bonjour monsieur Panico. Je viens de trouver votre petit mot chez la concierge et me voici à votre service. De quoi s'agit-il? Eh bien, mon cher collègue, vous êtes notre doyen et votre classe est un modèle de discipline, dit Topaz. Voilà pourquoi, dans un cas difficile, j'ai eu l'idée de vous demander conseil. Très flatté. Je vous écoute. Tamise, je suis trop... Non, au contraire, toi, tu vas aussi profiter de la leçon. Figurez-vous, monsieur Panico, figurez-vous qu'un de mes élèves, et j'ignore lequel, fait jouer pendant mes classes une sorte de boîte à musique qui n'émet que 3 notes et ding, ding, ding. Bon. Et qu'avez-vous fait, Topaz? Ben, j'ai tout essayé. Allusion dans mes cours de morale à la grave responsabilité de l'enfant qui gêne le travail de ses camarades. Objurgation directe aux délinquants inconnus. Promesse d'amnistie complète s'il se dénonce. Enfin, surveillance presque policière de ceux que je soupçonne. Résultat nul. Et je suis sûr que je vais entendre tout à l'heure encore ces 3 notes ironiques qui détruisent mon autorité galvaude de mon prestige. Mais enfin, que faut-il faire? Tamise, le cas est épineux. Panique. Oh, pas du tout! Pas du tout, dit Panico. La musique, c'est courant. Tantôt, ce sont des becs de plumes plantés dans un pupitre. D'autres fois, c'est un élastique tendu qu'on pince avec le doigt. Moi, j'ai même vu une petite trompette. Eh ben, moi, chaque fois que j'entends ça, penche, fous du Hamel à la porte. Mais comment faites-vous pour savoir que c'est lui? Ah, je dis pas que c'est toujours lui qui fait la musique, mais c'est toujours lui que je punis. Bah, pourquoi? Ah, ben, parce qu'il a une tête à ça. Enfin, voyons, mon cher collègue, vous plaisantez. Ah, parle-moi du monde. Alors, vous avez choisi un bouc émissaire, un pauvre enfant qui paie pour tous les autres. Ah non, permettez. Du Hamel, c'est pour la musique seulement. En cas de boule puante, je punis le jeune trembouze. Et ils ont bouché le tuyau. Quand ils ont bouché le tuyau de poêle avec un chiffon, c'est Jusserand qui passe à la porte. Et si je trouve un jour de la colle sur ma chaise, ce sera tant pis pour les frères Gissère. Ah, mais c'est un système, alors. Parfaitement. Chacun sa responsabilité. Et ça n'est pas si injuste que ça peut en avoir l'air, parce que, voyez-vous, un élève qui a une tête à boucher le tuyau de poêle, il est absolument certain qu'il le bouchera, et 9 fois sur 10, c'est lui qui l'aura bouché. Oui, mais alors, la 10e fois. Ah, ben, la 10e fois, erreur judiciaire qui renforce mon autorité. Quand on doit diriger des enfants ou des hommes, il faut de temps en temps commettre une belle injustice, bien nette, bien criante, c'est ça qui leur en impose le plus. Enfin, avez-vous songé à l'amertume de l'enfant innocent et puni? Ah ben oui, j'y songe, mais quoi, ça le prépare pour la vie. Mais vous ne croyez pas qu'une petite enquête peut démasquer les coupables? Ouais, les coupables, il vaut mieux les choisir que les chercher. Et les choisir à cause de leur tête. Mais ce sont des procédés de Borgia, ça, tout simplement. Eh ben dites donc, la vie, est-ce qu'elle fait pas ça? Tout ce qui nous arrive, c'est toujours à cause de notre tête. Et nous serions pas ici tous les trois si nous n'étions pas venus au monde avec ces 3 pauvres gueules de pions. Et Panico sort. Tamise, tu sais, pour ton musicien, dit-il à Topaz, moi je vais te donner un plan pour le prendre sur le fait. La première fois que tu entendras la sérénade, reste impassible, continue ton cours comme si tu n'entendais rien, laisse-le s'exciter tout seul. Et petit à petit, tu te rapproches de la source du bruit, arculant. Et quand tu seras près du gars, tu te retournes brusquement, tu sors le bonhomme de son banc et tu glisses la main dans le pupitre. Je te garantis, tu trouveras sûrement l'instrument aussi sûr que je m'appelle Tamise. Ah oui, ce plan me paraît habile, mais je ne vois qu'une objection, c'est que ta manœuvre comporte une feinte, une sorte de comédie préalable qui n'est peut-être pas absolument loyale. Enfin, le musicien qui t'exaspère depuis 15 jours n'est pas lui-même très loyal. Oui, mais c'est un enfant. Tamise hausse les épaules avec indulgence, la porte s'ouvre, entre Ernestine Muche. Bonjour, messieurs. Tamise, avec respect. Mademoiselle, Ernestine, monsieur Topaz, voulez-vous me prêter la map monde? Mais avec le plus grand plaisir, mademoiselle. Il va ouvrir un petit meuble noir qui contient les cartes et en tire une map monde Vidal Lablache, bien connue à l'époque, j'imagine. Il l'offre galamment à Ernestine. Tamise Monde, vous avez ce matin une classe de géographie? Oui, et une leçon sur la répartition des continents et des mers. Voici, mademoiselle. Je vous remercie, monsieur Topaz. Elle sourit, elle sort. Topaz lui ouvre la porte. Tamise. Mon cher, je te demande pardon. Si je n'avais pas été là, elle serait peut-être restée. Il me semble que ça marche assez fort, hein? Topaz, et tu ne sais pas tout. Tout à l'heure, elle m'a positivement relancé. Ah ben, elle m'a reproché ma froideur, tout simplement. Ah ben, elle n'a pas dit froideur, bien entendu, mais elle me l'a fait comprendre avec toute sa pudeur de jeune fille. Et j'ai obtenu qu'elle me confie encore une fois les devoirs de ses élèves. Elle a accepté. Les voici. Et alors, tu n'as pas pu faire autrement que lui avouer ta flamme. Ah non, non, non. Je lui en ai dit drette, mais je ne suis pas allé jusqu'à l'aveu. Non, non. Eh bien, je ne sais pas si tu t'en rends compte, dit Tamise, mais tu es un véritable Joseph. Mais non, mais non, mais non, mais non. Enfin, puis considère tout de même qu'il s'agit de la main d'Ernestine Muche. Oui, c'est vrai, ça, c'est un gros coup. Tu vises haut, Topaz. Et si je réussis, beaucoup de gens, peut-être, diront que j'ai visé trop haut. Évidemment, ça évidemment. On pourra croire que tu as profité de ton physique pour mettre la main sur la pension Muche. C'est vrai, ça. Tamise. Mais après tout, il faut être ambitieux. À la première occasion, le grand jeu. Le grand jeu? Qu'est-ce que tu entends par le grand jeu? Tu prépares le terrain par des regards significatifs. Tu sais, les yeux presque fermés. Le regard filtrant. Tu crois que c'est bon? Si tu le réussis, c'est épatant. Ensuite, tu t'approches d'elle, tu adoucis ta voix... Et vas-y. Vas-y, vas-y, mais comment y va-t-on? Un peu d'émotion, un peu de poésie, une demande en bonne et due forme, si tu vois qu'elle hésite, sois hardi, un baiser. Un baiser, mais que dira-t-elle? Il se pourrait qu'elle se parma soudain, murmurant, « Topaz, Topaz. » Ça serait formidable, mais j'ose pas espérer ça. On ne sait jamais. Ou alors, il se pourrait que sa pudeur lui inspira une petite réaction. Par exemple, elle t'en poussera, elle te dira, « Que faites-vous là, monsieur ?» Mais ça n'a aucune importance. Tant qu'elle n'appelle pas au secours, ça veut dire oui. Ah, mais alors le baiser comment? Sur le front? Malheureux. Un baiser sur la bouche. Sur la bouche. T'as fait ça, toi? 20 fois. Ah, j'essaierai. Mais ce qui m'inquiète davantage, c'est le père. Ah, bah oui, ça, le père, c'est évidemment pas la même manœuvre. Et Topaz, je suis sûr qu'il m'estime et qu'il me sait parfaitement honnête. Mais refus de sa part me ferait tellement de peine que... Non, moi, je crois qu'il faudrait le sonder. Tamise, toi, je te vois venir, tu veux que je m'en charge? Ben, je n'osais pas te le demander. Bon, entendu, alors, à la première occasion, mais alors fais ça discrètement, qu'il ne se doute de rien. Tu me connais, je m'approcherai de la question à pas de loup. Puis alors, le moment me paraît favorable, car ce matin même, je lui ai annoncé l'arrivée d'un nouvel élève. Où l'as-tu déniché? C'est un enfant à qui je donnais des leçons en ville, et j'ai conseillé à la famille de le mettre ici. Mais ben, gros malin, t'as fait plaisir au bain, mais là, tu risques de perdre tes leçons. Topaz, mais je tiens pas à les conserver. Mal payé, au contraire, mais enfin, c'est toute une histoire. Figure-toi que cet enfant habite chez une jeune femme qui est sa tante. Toute jeune, ni mariée, ni divorcée, ni veuve. Ah, mais alors, qu'est-ce qu'elle est? Je la crois orpheline, mais fort riche. Le premier jour, elle m'a reçu dans un boudoir des mille et une nuits, des étoffes de soie, des tableaux anciens, des coussins par terre. Le tapis était épais, souple, et avec ça, ça a l'air d'une blague. Il dépasse sous la porte jusqu'au bas des escaliers. Dit Tamise, ça suppose de la fortune. Sacré bon Dieu, lave-la. C'est elle, va-t'en, c'est elle. Et la porte s'ouvre, monsieur le Ribouchon, le concierge, se penche et dit d'une voix de nuque, monsieur Topaz, une dame désire vous parler. Le voici, madame. et entre Suzy. Suzy vient visiter la pension Muche pour y faire entrer son fils. Mais devant l'exiguïté des locaux, et elle dit, évidemment, c'est par ce procédé qu'on arrive à empiler un grand nombre d'anchois dans une petite boîte, et elle repart en remettant à plus tard l'entrée de son fils à la pension Muche. Topaz, resté seul, réfléchit quelques secondes, il murmure, ça va s'arranger, ça va probablement s'arranger. Entre Ernestine. Eh bien, chers collègues, vous en recevez des belles dames. Cette personne est une parente d'élève, c'est-à-dire que son neveu... C'est-à-dire que je comprends pourquoi vous m'avez négligé depuis quelque temps, mademoiselle. Vous portiez vos calendriers perpétuels à d'autres. Tenez, voilà votre ancre, je vous la rends, quoique cette dame ne me paraisse guère en avoir besoin. Mademoiselle, je vous en supplie, ne vous fâchez pas. Monsieur Topaz, je ne me fâche pas. Je viens au contraire vous demander un grand service. Je tiens à vous dire que je suis à votre entière disposition. Eh bien, nous allons voir. Figurez-vous que je prends des leçons de chant. Oh, je suis sûr que vous avez une très jolie voix. Oui, très jolie. Je vais chez mon professeur le jeudi matin, de 10h à midi. Mon père ne sait pas que je pense elles sont. C'est un petit secret entre ma mère et moi. Je vous remercie de cette confidence. C'est un petit secret de plus entre nous. Exactement. Or, monsieur le directeur vient de décider que le service d'été commencera jeudi prochain. Ça ne vous dit rien? Or, ça me dit beaucoup, naturellement, ça, beaucoup. Mais dans le détail, je ne vois pas exactement quoi. Eh bien, il va falloir que le jeudi matin, j'emmène à la promenade tous les élèves de la classe enfantine, de 10 à 12. De 10 à 12? Ah, mais alors, vous voilà forcé de renoncer à vos leçons de chant. Sans aucun doute. Mais c'est navrant. Il est évident que vous ne pouvez pas être à la même heure en deux endroits différents. Comprenez-vous quel service je vais vous demander? Parfaitement. Vous voulez que j'expose la situation à M. Muss et qu'il change l'heure de la promenade. Mais pas du tout, je veux que vous conduisiez la promenade à ma place. Mais oui! Et moi qui n'ai justement rien à faire le jeudi matin. Parfait. Eh bien alors je vais dire à mon père que vous demandez à conduire la promenade parce que comme vous ne sortez jamais, ça vous donnera l'occasion de prendre l'air. Excellent. Horus féminine. Mademoiselle Muss, c'est avec une joie profonde que je mènerai ces enfants à la promenade parce que je vous aime. Monsieur Topaz, je vous en prie. Ah non, je vous aime, non pas d'une passion perverse et déshonorante, mais d'un amour honnête et profond, pour tout dire, conjugal. Il s'est encore approché d'elle. Elle a à peine de retenir son envie de rire, il la prend brusquement dans ses bras. Et, laissez-moi vous dire, il l'embrasse, elle l'empousse vigoureusement, pan, et le gifle. Monsieur Topaz, à quoi pensez-vous? Est-ce ainsi qu'on s'adresse à une jeune fille? Tâchez de ne pas commencer cette plaisanterie, je vous prie. Et n'oubliez pas que jeudi, vous faites la promenade à ma place. Et elle sort. Topaz, elle n'a pas eu la petite réaction prévue. Divine pudeur. Mais elle n'a pas appelé au secours non plus. Je crois que ça y est. Il se frotte la joue et répète. Divine pudeur. Tous les enfants s'assoient. Ils ouvrent leurs serviettes, ils sortent des cahiers, des livres, quelques-uns bavardent. Topaz immobile surveille tout ce nouveau en d'un air sévère. Topaz, voix autoritaire. Monsieur Cordier, vous croyez-vous sur une place publique? Monsieur Cordier, 12 ans, baisse le nez vers son cahier. Monsieur Jusseron, aujourd'hui encore, vous avez négligé d'arracher la feuille quotidienne. Il montre le calendrier. Je vous retire donc le calendrier. Oh ben vrai. Silence, monsieur. Monsieur Blondet, vos notes de cette semaine sont excellentes, je vous confie le calendrier. Dépouillez-le donc aussitôt de cette feuille périmée. Si, monsieur. Topaz commence. Demain matin, de 8h30 à 9h30, composition de morale. Inscrivez, je vous prie, la date de ce concours sur vos cahiers de textes individuels. À ce moment, au dernier rang, avec des chuchotements irrités, deux élèves échangent quelques orions. Topaz au tableau sans tourner la tête. Monsieur Kergezek, je n'ai pas besoin de tourner la tête pour savoir que c'est vous qui troublez la classe. Il écrit sur la deuxième ligne, composition de morale. À ce moment, l'élève s'éguédille, assis au fond à droite, accomplit l'exploit qu'il préparait depuis son entrée. Avec un fil de caoutchouc, il lance un morceau de papier roulé qui va frapper le tableau à côté de Topaz. Le professeur s'en tourne brusquement, comme mu par un sort, les yeux fermés, la barbe hérissée. Il tente un index menaçant vers la gauche de la classe, écrit « Kergezek, à la porte, je vous ai vu !» Silence de mort, l'élève s'éguédille, la tête baissée, rigole doucement. « Kergezek, inutile de vous cacher, je vous ordonne de sortir !» Où est Kergezek ? Cordier. Monsieur, il est absent depuis 3 jours. Ah, il est absent. Eh bien, soit, il est absent. Quant à vous, monsieur Cordier, je vous conseille de ne pas faire la fortune. Allons, écrivez. Un silence. Topaz est allé se rasseoir à sa chaire et il commence sa leçon. Pour nous préparer à la composition de morale qui aura lieu demain mercredi, nous allons faire aujourd'hui oralement une sorte de révision générale. Toutefois, avant de commencer cette révision, je veux parler à l'un d'entre vous, à celui qui depuis quelques jours trouble nos classes par une musique inopportune. Je le prie pour la dernière fois de ne pouvoir commencer aujourd'hui sa petite plaisanterie, je lui pardonne bien volontiers. Je suis sûr qu'il a compris et que je n'aurais pas fait appel en vain à son sens moral. Un très court silence, puis la musique, tang, tang, tang, commence, plus ironique que jamais. Topaz rougit de colère, mais se retient. Bien, désormais, j'ai les mains libres. travaillons. Je vous préviens tout de suite, la question que vous aurez à traiter demain et qui décidera de votre rang ne sera pas une question particulière et limitée comme le serait une question sur la patrie, le civisme, les devoirs envers les parents ou les animaux. Non. Ce sera plutôt, si j'ose dire, une question fondamentale sur les notions de bien et de mal ou sur le vice ou la vertu. Pour vous préparer à cette épreuve, nous allons nous pencher sur les mœurs des peuples civilisés et nous allons voir ensemble quelles sont les nécessités vitales qui nous forcent d'obéir à la loi morale, même si notre esprit n'était pas naturellement porté à la respecter. Ding, ding, ding. Prenons des exemples dans la réalité quotidienne. Voyons. Élève tronche-bobine. L'élève tronche-bobine se lève, il est emmitouflé de cache-nez, il a des bas à grosses côtes et un sweater de laine sous sa blouse. Pour réussir dans la vie, c'est-à-dire pour y occuper une situation qui corresponde à votre mérite, que faut-il faire? Tronche réfléchie. Faut faire attention. Si vous voulez, faut faire attention. Attention à quoi? Au courant d'air. Élève tronche, ce que vous dites n'est pas entièrement absurde, puisque vous répétez un conseil que vous a donné madame votre mère, mais vous ne touchez pas le fond même de la question. Pour réussir dans la vie, il faut être, l'élève tronche sue horriblement. Plusieurs élèves lèvent le doigt pour répondre en disant, monsieur, t'as pas... Laissez répondre celui que j'interroge. Élève tronche, votre dernière note fut un zéro, essayez de l'améliorer. Il faut être, toute la classe attend. La réponse de l'élève tronche, Topaz se penche vers lui. Tronche perdue. Horrible! Zéro, asseyez-vous. Il faut être honnête! Et nous allons vous en donner quelques exemples décisifs. D'abord, toute entreprise malhonnête est vouée par avance à un succès un échec certain. Oh mon Dieu! Musique. Tang, tang, tang. Topaz ne bronche pas. Chaque jour, nous voyons dans les journaux que l'on ne brave point impunément les lois humaines. Tantôt, c'est le crime horrible d'un fou qui égorge l'un de ses semblables pour s'approprier le contenu d'un portefeuille. D'autres fois, c'est un homme alerte qui, muni d'une grande prudence et d'outils spéciaux, ouvre illégalement la serrure d'un coffre-fort pour y dérober des titres de rente. Tantôt, enfin, c'est un caissier qui a perdu l'argent de son patron en l'engageant à tort sur les résultats futurs d'une course chevalier. Tous ces malheureux sont aussitôt arrêtés et traînés par les gendarmes au pied de leur juge. De là, ils seront emmenés dans une prison pour y être péniblement régénérés. Ces exemples prouvent que le mal reçoit une punition immédiate et que s'écarter du droit chemin, c'est tomber dans un gouffre sans fond. Ding, ding, ding. Supposons maintenant que, par extraordinaire, un malhonnête homme ait réussi à s'enrichir. Représentons-nous cet homme jouissant d'un luxe mal gagné. Il est admirablement vêtu, il habite à lui seul plusieurs étages. Deux laquais veillent sur lui, il a de plus une servante qui ne fait que la cuisine et un domestique spécialiste pour conduire son automobile. Cet homme a-t-il des amis? L'élève Cordier lève le doigt. Topaz lui fait signe. Oui, il a des amis. Ah, vous croyez qu'il a des amis? Oui, il a beaucoup d'amis. Et pourquoi aurait-il des amis? Pour monter dans son automobile. Non, monsieur Cordier, non. Des gens pareils, s'il en existait, ne seraient que de vils courtisans. L'homme dont nous parlons n'a point d'amis. Ceux qui l'ont connu jadis savent que sa fortune n'est point légitime. On le fuit comme un persipéré. Alors, que fait-il? Il déménage. Non! Ou peut-être. Mais qu'arrivera-t-il dans sa nouvelle résidence? Durand-Victor, ça s'arrangera. Non, monsieur Durand-Victor, ça ne peut pas s'arranger. Parce que quoi qu'il fasse ou qu'il aille, il lui manquera toujours l'approbation de sa conce. De sa conce. Il cherche des yeux l'élève qui va répondre. Peter Vergniaud lève le doigt. De sa concierge. Oh! Monsieur Peter Vergniaud, j'aime à croire que cette réponse saugrenue n'était point préméditée. Mais vous pourriez réfléchir avant de parler. Vous eussiez ainsi évité un zéro qui porte à votre moyenne un coup sensible. Ce malhonnête homme n'aura jamais l'approbation de sa conscience. Alors, tourmenté jour et nuit, pâle, amaigri, exténué, pour retrouver enfin la paix et la joie, il distribuera aux pauvres toute sa fortune parce qu'il aura compris que... Pendant ces derniers mots, Topaz a pris derrière lui un long bambou et il montre du bout de cette badine l'une des maximes sur le mur. Toute la classe en chœur, bien mal acquis ne profite jamais bien et que l'argent ne fait pas le bonheur. Parfait. Voyons maintenant le sort de l'honnête homme. Élève Seguidi, voulez-vous me dire quel est l'état d'esprit de l'honnête homme après une journée de travail? Fatigué, monsieur. Mais vous avez donc oublié ce que nous avons dit 20 fois dans cette classe. Le travail est-il fatigant? Bertin, le faucheton. Le travail ne fatigue personne. Ce qui fatigue, c'est l'oisiveté, mère de tous les vices. Parfait. Monsieur Bertin, je vous donne un indice. Si cet honnête homme est caissier, même dans une grande banque, il rendra des comptes avec une minutie scrupuleuse et son patron charmé l'augmentera tous les mois. Tang, tang, tang. Topaz se lève. S'il est commerçant, il repoussera les bénéfices exagérés ou illicites. Il en sera récompensé par l'estime de tous ceux qu'il connaissent et dont la confiance fera prospérer ses affaires. Topaz se rapproche peu à peu de l'élève Seguidi. Si une guerre éclate, il ira s'engager dans l'armée de son pays, et s'il a la chance d'être gravement blessé, le gouvernement l'enrichira d'une décoration qui le désignera à l'admiration de ses concitoyens. Tous les enfants le salueront sans le connaître, et sur son passage, les vieillards diront entre eux « Passez à la porte immédiatement. » C'est pas moi, monsieur, c'est pas moi, dit Séguéline. Ah, c'est pas vous. Sortez de votre banc, sortez. Il le tire hors du banc et il passe sa main sous le pupitre en tire un moulinet à musique. Ding, ding, ding. Voici l'instrument. Ding, ding, ding. Monsieur Séguéline, votre affaire est claire. Vous prenez donc ma bonté pour de la faiblesse. Ma patience pour de l'aveuglement. Ha, ha, monsieur Séguéline, sachez que le gant de velours cache une main de fer. Et si vous avez le mauvais esprit, je vous briserai. Monsieur Séguéline, tremblant, se prépare à sortir. Où allez-vous ? À la porte. Non, restez ici. Il le met au piquet près de la bibliothèque. Sous les yeux de vos camarades qui vous jugent sévèrement, éclat de rire général. À la fin de la classe, je statuerai sur votre sort. Jusque-là, je vous condamne à l'incertitude. Après cet incident pénible, revenons à nos travaux. Nous disions donc, la porte s'ouvre. Tous les élèves se lèvent, bras croisés. Entre M. Muche, qui précède la baronne Pitard-Vergniaud. Elle a 45 ans depuis 5 ans et de la moustache. M. Topaz se lève, s'avance vers M. Muche et salue profondément la baronne. M. Topaz, Mme la baronne Pitard-Vergniaud désire vous parler. Monsieur le directeur, je suis à votre entière disposition, quoique ma leçon ne soit point terminée. Il serait peut-être préférable, dans l'intérêt des élèves, la matière ne souffre point de retard. Il se tourne vers les élèves. Mes enfants, vous pouvez aller jouer. J'ai prévenu M. le Ribouchon qui les surveille. M. Topaz. Les élèves sortent, l'un d'eux se détache des rangs et vient embrasser la baronne. C'est le jeune Pitard Vernier. Muche le caresse. Charmant enfant. La baronne, à Topaz. Je viens vous demander, monsieur Topaz, ce que vous pensez du travail de mon fils Agénor. Madame, je serais très heureux de vous le dire, mais je préférerais que cet enfant n'entendît pas notre conversation. Excellent principe, allez rejoindre vos camarades. Enfant sympathique et bien élevé. La baronne, il vous aime beaucoup, monsieur Topaz. Il parle souvent de vous à son père en des termes qui marquent une grande estime. J'en suis très heureux, madame. Je tiens à mériter l'estime de mes élèves. Vous l'avez, mon cher Topaz. Je dirais même que vous savez gagner leur affection. Oh, l'enfant vous apprécie à tel point qu'il a exigé que je vienne vous demander des leçons particulières. Tout à votre louange. J'en suis très flatté, madame. La baronne, il en a une envie comme d'une friandise ou d'un jouet. C'est charmant, n'est-ce pas? Je viens donc vous dire, monsieur, que vous lui donnerez chaque semaine autant d'heures que vous voudrez et au prix que vous fixerez. Muche. Ah, très significatif. Quand on a la chance de rencontrer un maître de cette valeur, le mieux que l'on puisse faire, c'est de s'en remettre à lui entièrement. Oh, madame, je suis confus. Et de quoi seriez-vous confus? D'être la perle des professeurs? Oh, madame, c'est donc entendu. Vous viendrez chez moi demain soir et vous me mettrez au courant de ce que vous aurez décidé pour le nombre et le prix des leçons. C'est entendu, madame. Je vais vous dire d'ailleurs tout de suite quelles sont mes heures de liberté. Il feuillette un petit carnet. Demain... La baronne, permettez-moi maintenant de vous parler d'une affaire qui me tient à cœur. Muche. Oh, une bagatelle qui sera promptement rectifiée. De quoi s'agit-il, madame? La baronne, elle tire de son sac une enveloppe. Je viens de recevoir les notes trimestrielles de mon fils et je n'ai pas osé montrer ce bulletin à son père. Muche, j'ai déjà expliqué à madame la baronne qu'il y a sans doute une erreur de la part du secrétaire qui recopie vos notes. Je ne crois pas, monsieur le directeur, je n'ai pas de secrétaire et ce bulletin a été rédigé de ma main. Muche, madame la baronne qui vient vous demander des leçons particulières à 3 enfants dans notre maison. Et je lui ai moi-même de grandes obligations. C'est pourquoi je ne serais pas étonné qu'il y eut une erreur. Mais pourtant, ces notes sont bien celles que j'ai données à l'élève. Comment? Français, 0, calcul, 0, histoire, 1/4, morale, 0. Allons, regardez bien, monsieur Topaz, regardez de plus près, avec toute votre perspicacité. Ah ben, c'est vite vu, il a eu que des 0. Je vais vous montrer mes cahiers de notes. Muche lui prend le cahier et le referme. Écoutez-moi, mon cher ami, il n'y a pas grand mal à se tromper. Errare humanum est, perseverare diabolicum. Voulez-vous être assez bon pour refaire le calcul de la moyenne de cet enfant? Oh, bien volontiers, ça ne sera pas long. Muche s'adresse à la baronne. Aurez-vous bientôt, madame la baronne, l'occasion de rencontrer monsieur l'inspecteur d'académie? Eh bien, je le verrai mercredi, car c'est le mercredi soir qu'il a son couvert chez moi. C'est un ancien condisciple du baron, il a pour nous une très grande amitié. Ah, il a aussi beaucoup d'estime pour notre ami monsieur Topaz, mais il n'a pu lui donner les palmes cette année. Il ne les lui a décernées que moralement. Oh, ben monsieur Topaz aura son ruban à la première occasion, je vous le promets. Dites donc, mon cher ami, madame la baronne promet que vous aurez réellement les palmes l'an prochain. Topaz qui relève la tête. Oh, ce serait vraiment une grande joie, madame. Cette nouvelle est pour moi plus que vous ne pensez, madame. Vous avez retrouvé l'erreur? Ah non, non, ça, il n'y a pas d'erreur. Enfin, voyons, soyez logique avec vous-même. Enfin, vous croyez, madame la baronne, quand elle dit que vous aurez les palmes, mais vous ne la croyez pas quand elle affirme qu'il y a une erreur. Mais madame, je vous jure qu'il n'y a pas d'erreur possible. Sa meilleure note est un 2. Il a encore eu un zéro hier en composition mathématique. 11e et dernier, Peter Vergnol. Et pourquoi mon fils est-il le dernier? Pourquoi dernier? Parce qu'il a eu zéro. Parce qu'il a eu zéro. Et pourquoi a-t-il eu zéro? Oui, pourquoi a-t-il eu zéro? Parce qu'il n'a rien compris au problème. Rien compris au problème. Et pourquoi n'a-t-il rien compris au problème? Je vais vous le dire, monsieur Topaz, puisque vous me forcez à changer de ton. Mon fils a été le dernier parce que la composition était truquée. Était truquée? Oh, ben, ceci est d'une gravité exceptionnelle, monsieur Topaz, dit Muche. La baronne, le problème était une sorte de labyrinthe à propos de deux terrassiers qui creusent un bassin rectangulaire, je n'en dis pas plus. Madame la baronne n'en dit pas plus. Madame, après une accusation aussi infamante, il convient d'en dire plus. Enfin, calmez-vous, mon cher ami. Nierez-vous qu'il y a dans votre classe un élève nommé Gigon? Muche. Un élève nommé Gigon? Nullement, j'ai un élève nommé Gigon. Il a un élève nommé Gigon. Quelle est la profession de son père, dit la baronne? J'en sais rien. La baronne, le père du nommé Gigon a une entreprise de terrassement. Dans le jardin du nommé Gigon, il y a un bassin rectangulaire. Voilà. Je n'étonnerai personne en disant que le nommé Gigon a été premier. Muche, que le nommé Gigon a été premier. À la baronne, mon Dieu, madame, je ne vois nullement le rapport. Le problème a été choisi pour favoriser le nommé Gigon. Mon fils l'a compris tout de suite. Et il n'y a rien qui décourage les enfants comme l'injustice et l'affront. Madame, c'est la première fois que j'entends mettre en doute ma probité. Qui est entière, madame? Qui est entière et... Calmez-vous, je vous prie, dit Muche. Certes, on peut regretter que le premier en mathématiques soit précisément un élève qui, par la profession de son père et par la nature même du bassin qu'il voit chez lui, ait pu bénéficier d'une certaine familiarité avec les données du problème. Ceci d'ailleurs ne se reproduira plus car j'y veillerai. Mais d'autre part, madame, je puis vous affirmer l'entière bonne foi de mon collaborateur. Je ne demande qu'à vous croire, mais il est impossible d'admettre que mon fils soit dernier. Impossible d'admettre que son fils soit dernier. Mais madame, cet enfant est dernier, c'est un fait inexplicable. Mais non, madame, je me charge de vous l'expliquer. À vous, vous chargez de l'expliquer. Eh bien, je vous écoute, monsieur. Madame, cet enfant est en pleine croissance. Très juste. Et physiquement, il oscille entre deux états nettement caractérisés. Fait Muche. Mais tantôt il bavarde, fait teinter des sous dans sa poche, ricane sans motif et jette des boules plantes. C'est ce que j'appellerais la période active. Le deuxième état est aussi net, une sorte de dépression. À ces moments-là, il me regarde fixement, il paraît m'écouter avec une grande attention. En réalité, les yeux grands ouverts, il dort. Il dort. Ça devient étrange, dit Muche. Vous dites qu'il dort. Ben, si je lui pose une question, il tombe de son banc. Allons, vous rêvez, monsieur. Ah non, madame, non, non, je peux vous parler dans son intérêt. Je sais que ma franchise lui sera utile, car les yeux d'une mère ne voient pas tout. Allons, mon cher Topaz, dit Muche, je crois que vous feriez beaucoup mieux de trouver l'erreur. Non, mais laissez parler, monsieur Topaz. Je crois qu'il va nous dire quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que les yeux d'une mère ne peuvent pas voir? Regardez bien votre fils, madame. Il a un faciès terreux, les oreilles décollées, les lèvres pâles, le regard incertain. Or! Or! Je ne dis pas que sa vie soit menacée par une maladie aiguë, non. Je dis qu'il a probablement des végétations, peut-être le ver solitaire, ou peut-être une hérédité chargée. Ou peut-être les trois à la fois. Hein, ce qu'il lui faut, c'est une surveillance médicale. Pendant les dernières phrases, la baronne a tiré de son sac un face-à-main et l'examine Topaz. Mais qu'est-ce que c'est que ce galvaudeux mal embouché? Monsieur Topaz! Madame la baronne. Mais madame, un pion galeux qui se permet de juger l'épitaphe Vergnol. Monsieur Topaz, c'est incroyable, vous jugez l'épitaphe Vergnol. Un crève la faim qui cherche à raccrocher des leçons particulières. Mais je vous parlais en toute sincérité. Et ça court après les palmes. Mais madame, je les ai déjà moralement. Moralement, faites des excuses, monsieur, au lieu de dire de pareilles niaiseries. Chère madame, monsieur Muche, si ce diffamateur professionnel doit demeurer dans cette maison, je vous retire mes trois fils séance tenante. Quant à ce bulletin hypocrite, voilà ce que j'en fais. Elle déchire le bulletin, jette les morceaux au nez de Topaz et sort. Monsieur Muche affolé la suit en bégayant. Madame la baronne, Topaz reste seul ahuri. Soudain, Muche rentre, terrible. Monsieur, vous avez parlé à cette dame avec une audace stupéfiante. Tâchez de la rejoindre avant qu'elle n'ait quitté cette maison et présentez-lui vos excuses. Mais si je l'ai offensé, j'en avais pas l'intention. Courez le lui dire et obtenez son pardon, sinon votre carrière ici sera gravement compromise. J'y cours, monsieur le directeur, alors j'y cours. Entre Tamise. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour. Je désirais, monsieur le directeur, vous demander un conseil. Venez me voir dans mon bureau à midi. Monsieur le directeur, je m'excuse d'insister, mais j'aimerais vous parler tout de suite car je crois que c'est le moment. Je vous écoute. Monsieur le directeur, vous n'êtes pas seulement le maître et le chef de cette maison, mais vous en êtes à coup sûr la plus haute autorité morale. Si vous voulez. C'est pourquoi je voudrais avoir votre opinion sur une affaire qui n'a rien de scolaire. J'ai un ami qui est jeune, bien fait de sa personne, et qui me paraît avoir un certain avenir. Eh ben, cet ami est amoureux d'une jeune fille qui, de son côté, n'est pas indifférente au charme de mon ami, puisqu'elle lui a donné des encouragements très nets. Eh ben, tout ceci, normalement, devrait se terminer par un mariage, mais il y a une certaine différence de fortune et de situation. Mon ami est lieutenant, le père de la jeune fille est général. Voilà. Et voici la question que je veux vous poser. Si mon ami tente une démarche auprès du général, comment sera-t-il reçu? Voilà qui mérite examen. Votre ami est-il un parfait honnête homme? Oh, pour ça, j'en réponds. Le général est-il homme de cœur? Oui, ça, il a une âme de général. Que votre ami présente sa demande, il sera reçu à bras ouverts, du moins je le crois. Tamise, eh bien, le général, c'est vous. Moi, général. Le lieutenant, c'est Topaz, et la jeune fille, c'est la toute gracieuse Mademoiselle Muche. Comment? Topaz veut épouser ma fille? Oui. Et vous dites qu'elle lui a donné des encouragements. Nets, mais discrets et dignes d'une jeune fille de bonne famille. Par exemple, quand elle a des devoirs à corriger, elle les lui confie, il se retrouve ici même pendant les récréations. Bref, c'est une idylle. Je vais étudier la question. Que dois-je dire à Topaz? Rien. Je lui parlerai moi-même. J'aurais aimé lui rapporter. J'ai moi aussi une question à vous poser. Croyez-vous que l'électricité soit un fluide gratuit? Dans quel sens? Hier, en quittant votre classe, vous avez négligé d'éteindre les quatre lampes qui l'éclairent. Elles brûlaient encore ce matin à 8 heures, j'ai dû les éteindre de ma main. C'est pour cette raison que je vous retiendrai à la fin du mois 15 francs plus 10 francs d'amende. Et il me semble pourtant que... D'autre part, si vous exerciez sur vos élèves une surveillance plus attentive, je n'aurais pas eu le déplaisir de lire sur un pupitre de votre classe une inscription gravée au couteau qui dit en majuscule de 5 cm « Muche égale salaud ». Sur quel pupitre? Allez-y voir, monsieur Tamise. Tâchez de découvrir le coupable, sinon je vous prierai de remplacer le pupitre à vos frais. Et puisque vous me demandez un conseil, je vais vous donner celui-ci. Il vaudrait mieux vous occuper de votre métier que de faire l'entremetteur bénévole et de jouer les valets de comédie. Au revoir. Tamise, médusé, se dirige à reculons vers la sortie. Il veut parler encore une fois. Muche le coupe-net. Je ne vous retiens pas. Muche. Il appelle Ernestine. Ernestine, viens ici. Est-il vrai que tu fasses corriger tout tes devoirs par Topaz? Oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce que c'est un travail qui me dégoûte. Cette classe enfantine, j'en ai horreur. Pendant que tout se promène avec des manteaux de fourrure, moi je reste au milieu de 30 morveux. Tu crois que c'est une vie? C'est la vie d'une institutrice. Là, puisque je la supporte, t'as rien à dire. Et si je trouve un imbécile qui corrige mes devoirs, je vois pas en quoi je suis coupable. Je ne te reproche pas de faire faire ton travail par un autre. Le principe même n'est pas condamnable. Mais pour quelle raison cet idiot fait-il ton travail? Parce que je le fais marcher. Ouais, tu ne lui as rien donné en échange. Rien. Alors pourquoi s'imagine-t-il que tu l'aimes? Il a l'intention de me demander ta main. Il peut toujours la demander. Enfin, comment aurait-il eu cette audace si les choses n'étaient pas allées plus loin que tu ne le dis? Alors, dis-moi la vérité, qu'y a-t-il entre vous? Ben, rien, il me fait les yeux doux. C'est tout. Il a même essayé de m'embrasser. Où? Ben, ici. Malheureuse. Dans une classe, enfin, tous les enfants pouvaient le voir, le raconter à leur famille. Tu veux donc chasser les derniers élèves qui nous restent? Ben, pour ça, la cuisinière s'en charge. Réponds à ce que je te dis au lieu de diffamer la maison de ton père. Il n'y a rien d'autre entre vous. Mais non, voyons, ben, pour qui me prends-tu? Bien. Il fait quelques pas, les mains derrière le dos, les dents serrées, le front barré de trois plis verticaux entre les sourcils. On voit enfin Topaz paraître sur la porte. Il a perdu son lorgnon, il marche presque à tâtons, les yeux clignés, il se dirige vers la chaire. Monsieur le directeur, cette dame refuse de m'entendre tant que j'aurais pas retrouvé cette erreur. Pourtant, il y en a pas, je peux pourtant pas inventer une erreur. Taisez-vous, monsieur. On peut duper les gens pendant longtemps, mais il vient toujours un moment où le bandeau tombe, où les yeux s'ouvrent, où l'imposteur est démasqué. Monsieur, vous êtes la honte de cette maison. Monsieur le directeur, vous donnez en cachette des leçons gratuites pour déconsidérer l'enseignement. Monsieur le directeur, vous m'annoncez des élèves qu'on refuse ensuite de nous confier. Vous refusez de retrouver une erreur quand c'est un parent d'élève qui l'exige. Vous truquez les compositions. Mais monsieur le directeur, et pour comble, vous ajoutez à la sottise et à la mauvaise foi la lubricité la plus scandaleuse. Comment, moi, mademoiselle Muche, ici même, dans cette classe et sous les yeux de nos enfants épouvantés, n'avez-vous pas essayé de déshonorer ma fille? C'est par égard pour cette maison que je ne ferai pas appeler la police. Passez à la caisse immédiatement. À partir d'aujourd'hui, 10h30, vous n'appartenez plus à l'établissement. Venez, Ernestine. Monsieur le directeur, monsieur Muche. Ils sont partis, il a un geste de désespoir. À la porte, mais c'est monstrueux. Il réfléchit un moment, on le devine prêt à courir chez Muche, puis il sortit. Pensif, il s'enlève, boutonne sa redingote, puis il ouvre les tiroirs de sa chaire et fait ses paquets en silence. Il prend les liasses de devoirs que lui a confié Ernestine, les regarde. C'est la journée des malentendus. Puis il glisse dans sa serviette tous ses accessoires, manchette de lustrine, porte-plume, crayon, cahier. Il prend sur l'armoire l'écureuil empaillé qui lui appartient et se dispose à sortir. Soudain, une idée le frappe. Il dépose l'écureuil sur l'estrade et revient vers le tableau. Il efface l'inscription qui s'y trouve et écrit en grosses lettres « La composition de morale est ajournée ». Puis tristement, il sort pendant que le rideau tombe. Deuxième acte. Un boudoir très moderne chez Madame Suzy Courtois. Suzy. Enfin, Régis, est-ce que vous vous moquez de moi ? Castelbénac. Mais non, mon chéri, je te jure que je t'ai réservé 100 000 francs. Eh bien, moi, je vous jure que vous m'en donnerez 150 si vous tenez à revenir dans cette maison. Bon, écoute, mais nous, 150, c'est un gros cadeau. Mais il s'agit pas de cadeau. Je réclame ma part. Dirait-on pas que j'attends vos cadeaux sans rien faire ? Non, il est certain que tu me donnes des conseils précieux, mais tout de même, si le maire a voté pour moi les balayeuses automobiles, c'est parce que j'ai voté pour lui l'affaire des urinoirs souterrains, qui vont lui rapporter une fortune. Régis, je vous prie de me respecter. À propos de quoi ? Mais j'aime pas du tout cette façon de mettre des urinoirs dans la conversation. Dites-moi clairement que vous voulez m'escroquer ma part et épargnez-moi vos grossièretés. Mais il me faut 150 billets avant le 15. Mais écoute, Coco, en ce moment, je n'ai aucune disponibilité. Allons donc, l'affaire des balayeuses va faire rentrer presque 1 million. Castelbénac, 1 million pour le brut, mais elle est très lourde. En plus des pots de vin habituels, il faut verser 80 billets au secrétaire de la Fédération des balayeurs. Mais pourquoi ? Les balayeurs devraient être bien contents d'avoir des machines. Oui, mais ceux qui sont sur les machines seront bien contents, mais ceux qu'on va foutre à la porte. Mais pourquoi ? L'achat des balayeuses entraîne la suppression des 200 balayeurs. C'est même en insistant sur cette économie que j'ai enlevé le vote au conseil municipal. La fédération fera du bruit si j'achète pas le secrétaire. Et puis, il y a la presse. Et puis, il y a ma femme. Comment, votre femme ? Ben, il faut bien que je lui offre un visant et une voiture. Ah, mon cher, je ne savais pas que vous aviez assez peu de délicatesse pour raconter vos escroqueries à votre femme. Mais je ne lui raconte rien du tout. Seulement, chaque mois, elle va lire les délibérations du conseil. Et quand elle voit que j'ai fait voter quelque chose, elle me réclame sa part. C'est automatique. L'année dernière, quand j'ai fait donner à Bernard Shaw le titre de citoyen, elle n'a jamais voulu croire que c'était à l'œil, elle a exigé 20 billets. Mais t'as été assez bête pour lui donner ? J'ai été assez prudent pour les lui donner. Toi qui as toujours peur qu'il nous arrive des histoires, tu devrais pas me faire son reproche. Mais évidemment. Enfin, quand on donne un vison à sa femme, on ne refuse pas 150 billets à sa maîtresse. Mais écoute, Coco, regarde le bilan, tu verras. Il lui tente une feuille de papier. Ça ne m'intéresse pas. Mais si, regarde, et tu verras que si je te donne 150, j'y suis de ma poche. Eh bien, vous êtes là pour ça. Oh, comme c'est méchant ce que tu viens de dire là. C'est oui ou c'est non ? C'est oui. Entre un maître d'hôtel. Monsieur Roger de Berville. Suzy, un moment. Pourquoi vient-il ici ? Bénac, c'est moi qui l'ai convoqué. T'as une nouvelle affaire en vue ? Mais non, c'est pour les balayeuses. Comment ? L'adjudication sera close demain et c'est pas réglé ? Bah, en principe, tout est réglé, mais il n'a pas encore signé. Il n'a pas voulu ? Il n'a pas pu. Depuis 15 jours, il avait un bras en écharpe. Oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Bah, un accident banal. Son démarreur était coincé. Il a voulu le remettre en marche à la main. Il a pris un retour de manivelle. Voilà tout. Ah oui, voilà tout. Eh ben, mon cher, ça y est, vous êtes roulé. Roulé, pourquoi ? Mais parce que le petit jeune homme vous a joué la comédie afin de signer au dernier moment. Bah, puisqu'il vient signer à temps. À quelles conditions ? 5%, comme d'habitude. Comptez là-dessus. Enfin, comment ? Tu crois qu'il aurait machiné sa petite affaire ? Mais il faut que tout soit réglé ce soir, sinon l'affaire est ratée. Moi, si j'étais à sa place, tu ne couperais pas de 35%. Avec lui, ça sera du 30. Ah, si ce petit voyou me fait ce coup-là... Doucement, mon cher, doucement. C'est plus le moment de crier. Tâchons de voir ce qu'on peut encore sauver de l'affaire. Elle sonne le maître d'hôtel. Faites entrer monsieur de Berville. Essayez de l'amadouer en lui promettant de la nouvelle agence, puisqu'aussi bien nous avons l'intention de la lui donner. Et surtout, tâchez d'éviter ces explosions d'injures et de mourduriers qui ne peuvent que gâter une affaire. Soyez calme et distingué, si vous pouvez. Bonjour, chère madame, comment allez-vous ? Fort bien, et vous-même ? Le mieux du monde. Castel. Alors, ce bobo, c'est guéri ? Oui, presque. Enfin, le décollement de l'écran est en bonne voie et les ligaments de la face interne paraissent suffisamment serrés. Eh ben, tant mieux. Tu vois, il avait un décollement de l'écran et un lâchement des ligaments. Oui, ben ça, il vient de nous le dire. Vous pouvez signer. J'espère. Vous avez apporté les pièces nécessaires pour le dépôt de la soumission. Oui, cher ami, extrait de naissance et le casier judiciaire. Eh bien, alors, si nous passions tout de suite dans les bureaux pour cette petite formalité. Ah, vous avez de nouveaux bureaux ? Oui, Régis vient d'acheter l'immeuble voisin et tout le premier étage est transformé en bureau. J'ai fait percer le mur ici. Ah oui, c'est la porte dérobée qui conduit chez la princesse. Ces bureaux, je crois, sont destinés à une agence. Il me semble que vous m'aviez parlé de ça il y a quelque temps. Castel, mon cher, il s'agit en effet d'une agence qui centralisera toutes les affaires de fourniture à la ville. Naturellement, nous aurons un directeur général, situation considérable. Nous ne l'avons pas encore choisi, d'ailleurs. Passez, cher ami. Après vous, mon cher ami, je suis presque chez moi. Non, montrez-moi le chemin. Mon cher ami, je n'en préviens pas. Ils sortent. Castelbennac le suit et referme la porte. Suzy s'installe sur le divan et commence à préparer des cocktails. Entre le maître d'hôtel. Madame, monsieur, le professeur est arrivé. Bien, conduisez-le chez Gaston et dites-lui qu'il vienne me voir après sa leçon. Mais il demande si madame veut le recevoir tout de suite. Bon, eh bien, qu'il entre. Il entre. Bonjour, monsieur Topaz. Bonjour, madame. Vous avez quelque chose à me dire? Je vous écoute. Asseyez-vous donc. Voilà, ce matin même, madame, vous m'avez demandé s'il me serait possible de donner à monsieur Gaston 2 heures de leçon chaque jour. Eh bien, madame, je viens vous dire que si vous avez la bonté de maintenir cette proposition, je suis tout prête à l'accepter. Oh, impossible maintenant, le père de Gaston sera de passage ici demain, il emmène l'enfant avec lui. Ah bien, fort bien, madame. Que vous avez l'air déçue. Bah, pourtant, ce matin, quand je vous ai demandé ces 2 heures, vous m'avez répondu que vous manquiez de temps. Mais c'était exact, madame, mais à partir d'aujourd'hui, 10 heures, j'ai beaucoup plus de loisirs. Ah, monsieur Muche a réduit votre emploi du temps? Oui, il l'a réduit. En fait, il l'a même réduit à rien. Et il vous paie pour ne rien faire. Ah non, mais c'est-à-dire qu'il a réduit mon traitement dans les mêmes proportions. Ah bon, bah dites tout de suite qu'il vous a remercié. Ah, même pas, en fait, il m'a mis à la porte. Ah, c'est bien fâcheux. J'espère que ma visite n'y est pour rien. Oh non, madame, non, il y a eu simplement une suite invraisemblable de malentendus. Ben alors, qu'allez-vous faire? Eh ben, si monsieur Muche ne me rappelle pas, je chercherai des leçons. Ben écoutez, si par admiration, je peux vous trouver des élèves, je ne manquerai pas de vous les adresser. Vous en suis très reconnaissant, madame. Est-il utile que j'aille donner une dernière leçon à monsieur Gaston? Mais oui, monsieur Topaz, l'enfant vous attend. Je lui ferai faire une petite dictée d'adieu. Oui, très bien. Et n'oubliez pas, avant de partir, de me remettre la note de vos honoraires. Bien, madame. À tout à l'heure, madame. Suzy, la porte du bureau s'ouvre. Castelbennac en sort, suivi de Roger. Castel. Eh bien, soit, cher ami. N'en parlons plus. Étant donné la différence, dit Roger, de nos points de vue, je crois qu'il serait inutile de prolonger la discussion. Suzy. Oh non, vous n'allez pas parler d'affaires, au moins. Non, non, chère madame, rassurez-vous, nous avons fini. Cigarette? Bien volontiers. Êtes-vous allé au concert ces temps-ci? Oui, dit Suzy, j'ai entendu les chœurs de la chapelle Sixtine. Merveilleux. Oui, ah, la pureté de ses voix. On se sent transporté au-dessus des banalités quotidiennes, dit Roger. J'en ai pleuré, parole d'honneur. À Castel. J'espère, cher ami, que vous n'avez pas manqué ce régal. Castelbennac sarcastique. Non, malheureusement, je n'ai pas pu accompagner madame. Je m'étais démanché l'olécrane et distendu le ligament. Comment, vous aussi? Ah, sacré bon Dieu! Renégat vendu, margoulin, écrasé la tête sous mon pied comme un putois, à un homme comme moi. Mais qu'avez-vous, cher ami? Castelbennac, il montre Roger du doigt. 100 000 francs. Comment 100 000 francs? Pour les balayeuses, il exige 100 000 francs. Monsieur m'en offre 50. Bon, 50, c'est pas beaucoup, mais 100, c'est énorme. Oh, énorme. Si c'est pas une exigence de scélérat, c'est une prétention de fou. Ah, dans ce cas, cher ami, permettez que le fou se retire. Chère madame, voulez-vous me permettre? Oh, mais non, enfin, vous n'allez pas manquer une affaire pareille parce que vous êtes tous les deux dans de mauvaise humeur. Alors, venez vous asseoir ici. Régis va nous préparer des cocktails. Tenez, Régis, secouez donc ces alexandras. Ah, Roger, voulez-vous me permettre une question? Mais certainement, chère madame. Voyons, pourquoi exigez-vous cette somme alors que jusqu'ici, vos prétentions étaient plus modestes? Dans l'affaire du chauffage central des écoles, vous aviez 5%. Oui, j'avais 5%, mais si vous me permettez le mot, j'étais une poire. Une poire qui a touché 45 000 francs, dit Bennac. Et vous, 850, comparé. Mais nom de Dieu, qu'est-ce qui est conseiller municipal? C'est vous ou c'est moi? Cher ami, vous sortez de la question. Mais pas du tout! Est-ce que le conseil aurait voté cette installation si je ne l'avais pas proposé? Jamais de la vie, puisqu'on venait d'acheter des poils. Ils étaient tout neufs. Il a fallu les casser à coups de marteau pour les mettre à la ferraille. Enfin, et même si on avait eu vraiment besoin de ces radiateurs à vapeur, est-ce qu'on serait allé vous chercher? Et pourquoi pas? Bon, allons donc. Vous saviez même pas ce que c'était dans votre rapport. Au lieu de radiateur, vous avez créé 5 fois gladiateur. Et il en a fourni 10 000. Mais je n'en ai que plus de mérite. Oui, c'est vrai. Mais en somme, dans toutes ces affaires, dit Suzy, vous n'avez qu'à prêter votre nom. Pas plus. Mais oui, pas plus. Enfin, Régis, ne soyez pas injuste, c'est tout de même quelque chose. Oui, surtout si l'on pense au nom que je porte. Roger de Berville, quoi. Suzy, la particule a sa valeur. On ne peut nier qu'elle ne soit supérieure au trait d'union. Certainement. Et d'autre part, je suis depuis hier trésorier du cercle de la rue Gay-Lussac, ce qui prouve que j'ai une réputation bien établie de probité. Eh bien, la probité, ça se paie cher parce que c'est rare. Surtout dans une affaire comme celle-ci. Castelbennac, mais moi j'ai connu des gens d'une probité formidable qui marchaient à 4%. Oui, oui, des gens sans surface. Mais moi, cher ami, je suis bien forcé d'exiger une part qui corresponde à mon standing. Mais quand je vous ai connu en fait de standing, vous n'aviez qu'un gant, un chapeau de paille et des dettes. C'est moi qui vous ai mis à flot. Du moins, vous le dites. Comment je le dis? Votre studio, c'est l'affaire des pavés de bois. Votre voiture, c'est l'éclairage de l'abattoir. Et cette perle que tu vois dans sa cravate, c'est le nouveau frigorifique de la morgue. Alors? Mais vous sortez de la question. Mais non, monsieur, je ne sors pas de la question. J'y suis en plein dans la question. La vérité, c'est que vous êtes un ingrat. Ah, c'était donc ça, le bras en écharpe. Une manœuvre, tout simplement. Monsieur, une manœuvre scélérate pour préparer un chantage odieux. C'est épuant, monsieur, c'est épuant. Voyons, Régis. Quoi, vous oseriez vraiment supposer que... Mais vous me prenez pour un nouveau-né? Vous pensez bien que j'ai fait ça avant vous, hein? Alors, dans ce cas, mon cher, vous connaissez donc parfaitement la force de ma position. Je vous tiens à la gorge, c'est un fait. Et je vous le demande en toute conscience. Que penseriez-vous de moi si vous vous en tiriez à moins de 100 000? Je penserais que vous êtes un ami. Alors, Roger, vous êtes un ami. Eh bien, oui, je suis un ami. Mais je tiens à conserver votre estime, c'est 100 000 ou rien. Allons, Roger, Régis ira jusqu'à 60, faites un effort. Chère madame, récapitulons. J'ai inventé une histoire d'entour de manivelle qui risque de dévaloriser ma voiture quand je voudrais la revendre. J'ai cherché des mots spéciaux dans un dictionnaire de médecine. J'ai porté le bras en écharpe pendant 15 jours. Grâce à quoi j'ai endormi monsieur, je l'ai tenu le bec dans l'eau jusqu'à maintenant. Est-ce que ça ne vaut pas quelque chose? Alors, si vous êtes beau joueur, vous allez me donner 100 000 et nous resterons bons amis. Jeune homme, dit Bénac, s'il vous manque quelque chose, ce n'est sûrement pas le culot. Mais non, mon cher, mais non. Voulez-vous écouter mon raisonnement? La petite comédie que je vous ai jouée, ce n'est déjà pas très chic de ma part. Mais si j'en retire aucun bénéfice, alors ça devient positivement malhonnête. Vous avez bien des scrupules, dit Suzy. Et puis, je m'y connais. Il y a une question d'amour propre. Si j'avais réussi ce coup-là pour rien, je serais complètement démoralisé, je n'aurais plus aucune confiance en moi. Alors, tout compte fait, que demandez-vous? 70 pour les balayeuses et 30 pour l'écran. Eh bien, jeune homme, apprenez ceci. Je n'aime pas beaucoup qu'on se foute de moi. Vous n'aurez ni 100 000, ni 25 000, ni rien du tout. Mais enfin, c'est tout de même saugrenu que... Attendez, Régis, on pourrait peut-être... Non, non, non, puisque je me trouve en face d'un fou, j'ai mieux renoncer à l'affaire. Je ferai annuler le crédit. Et la ville se passera de balayeuse. Parce que ce jeune homme est un mauvais citoyen. Monsieur, Régis, vous êtes vraiment dur pour Roger. Un mauvais citoyen et un mauvais français. Halte là, monsieur. Vous portez atteinte à mon honneur. Ce n'est pas à votre honneur que je m'adresse, c'est à votre cœur. Voyons, monsieur Roger de Berville, n'offrez-vous pas un petit sacrifice pour adoucir le sort des balayeurs? Enfin, songez aux malheureux qui, chaque jour, à l'aube, saisissent à pleine main un manche rugueux et poussent au ruisseau les débris de la veille. Au XXe siècle, supporterons-nous qu'un homme, un électeur, use ses forces à des besognes dégradantes, quand le machinisme nous permet de le remplacer par une voiture propre, efficace et d'aspect coquère? Enfin, supporterons... Oh, mais il va nous faire tout son discours du conseil municipal. Monsieur, si vous riez de ces choses-là, nous n'avons plus rien à nous dire. Adieu, monsieur. Régis, ne vous froissez pas pour si peu... Madame, je suis un élu du peuple. Je n'ai pas le droit de me laisser insulter. Mais qui vous insulte? Si ce margoulin ne respecte pas mes personnes, qu'il respecte au moins mes fonctions. Madame, dit Roger, je ne puis soutenir ce temps. Souffrez que je vous présente mes hommages. Mais vous n'avez même pas goûté à ce cocktail. Non, non, non. Non, c'est fini. Pas de balayeuse, pas d'agence, rien du tout, absolument rien. Il peut crever la bouche ouverte au coin d'une route, il n'aura plus un sou de moi. Et qui fout le camp? Monsieur, dans votre famille, on fout le camp. Dans la mienne, on prend congé. Il s'incline devant Suzy une dernière fois et sort très digne. Et voilà comment on rate une affaire magnifique, dit Suzy. Est-ce que vous n'auriez pas dû vous méfier plus tôt? Non, que veux-tu? Moi, je suis trop honnête, dit Castel. Les canailleries des autres, ça me surprend toujours. Ah, la vie est de plus en plus dure. Mon père m'avait bien dit qu'il faut toujours se méfier d'un ami. Moi, je croyais pouvoir compter sur un complice. Paraît que c'est sans jeu. Quelle époque! Oh, j'espère que vous n'allez pas pleurer. Eh non, non, c'est raté, voilà tout. Alors vous admettez que cette affaire tombe à l'eau? Ben, que veux-tu que je fasse? Ben, vous connaissez pourtant d'autres prétendants, voyons. Tâchons de joindre mes ménétriers. T'as Madagascar. Ah, depuis quand? Il s'est embarqué samedi dernier. On lui a donné une très belle échelle de montagne du côté de Tananarive. Il est allé là-bas pour la vendre, aux gens qui l'habitent. Alors qui? Bah, tu vois bien, je réfléchis. Eh bien, pourquoi ne prendriez-vous pas ma Laval? Il est brûlé. Ben, votre ami Fernet, trop cher. Depuis que je l'ai fait décorer, il prend du 50%. Et Faubert? Oh, Faubert? Ah, bah oui, Faubert, ça serait le rêve. C'est un bon garçon, celui d'un collaborateur, adroit, dévoué. Puis alors, quelle probité! Suzy a pris son livre d'adresse, Vagram 8602. Ah ben non, plus maintenant, il est en prison. Depuis quand? Ben depuis les porcheries du Maroc. Ben je croyais que c'était une affaire honnête. Ben justement, dans une affaire honnête, on se méfie pas. Et puis si ça flanche, on est tout seul. Et on s'en tire pas. Hein? Et Picard? Oh Picard, oh non, c'est un minon. Mais c'est un garçon très bien, Picard. Il est sérieux, il a de l'entre-gens. Pourquoi n'essaierait-on pas Picard? Mais parce que c'est l'amant de ma femme et que la plus élémentaire délicate. Ah bah je ne savais pas, moi. Naturellement, toute la ville en parle, vous êtes la seule à l'ignorer. Ce qui prouve d'ailleurs de quelle façon vous vous intéressez à moi. Mais mon cher, je n'ignorais pas que vous fussiez cocu, mais j'ignorais que c'était Picard, voilà tout. Faut pourtant en sortir, voyons. Il ne doit pas être difficile de trouver quelqu'un. Cher ami, on voit bien que vous n'avez pas étudié le problème. Il n'y a rien d'aussi délicat que le choix d'un prête-nom. Si on prend un homme d'une honnêteté morbide, il refuse la plupart des affaires qu'on lui propose. Si on prend un homme d'esprit moderne, il risque de pousser le modernisme jusqu'à nous voler nous-mêmes. Les marchés sont faits en son nom, il peut garder le bénéfice, et tu penses bien que nous n'avons qu'un recours devant les tribunaux. Ah, évidemment. En somme, il faut quelqu'un qui fasse honnêtement des affaires malhonnêtes. Non, non, employons des mots innocents, ça va nous faire la bouche fraîche. Il nous faut quelqu'un qui fasse à la manière d'avant-guerre des affaires d'après-guerre. Ou alors un parent, un homme sur qui on aurait un moyen d'action, comme l'honneur du nom ou le sentiment de la famille. Par exemple, l'amant de ta sœur, si elle en avait qu'un. Ou ton frère, S'il n'avait pas ce petit casier judiciaire, ou bien ton père, si on pouvait savoir qui c'est. Suzy, mais et si je trouvais quelqu'un, combien lui donnerais-tu? Castel, t'as une idée? Suzy, peut-être. Castel, eh bien alors j'irai jusqu'à 50 000 pour les balayeuses. Et pour l'agence, 10%. S'il acceptait moins, me donneriez-vous la différence? Oui, dis ton idée. Topaz. Qui ça, Topaz? Professeur de Gaston. Ce malheureux barbu en chapeau melon. Mais pourquoi pas? Ma chère amie, il faudrait pas, pour rattraper vos 150 000 francs de balayeuse, nous lancer dans une dangereuse improvisation. Mais d'abord, c'est pas une improvisation. J'y ai pensé déjà quelques fois, et puis alors avec lui, aucun danger. Pourquoi? Parce que nous avons sur lui un moyen d'action. Lequel? Moi. Tiens, amoureux? Oh, dès qu'il me voit, il rougit, bafouille, il est ridicule et touchant. Moi, je suis sûr qu'avec deux mots, j'en ferai ce que je voudrais. Donc, on croit ça, et puis quelquefois... Mais non, mon cher, mais une femme sent très bien ces choses-là. Cet homme-là même d'un amour sans espoir, mais définitif. Une sorte d'amour que vous ne pouvez certainement pas imaginer. Je vous affirme que nous n'aurons même pas besoin de lui expliquer de quoi il s'agit. Si c'est moi qui lui demande, il signera n'importe quoi les yeux fermés. Ah oui, mais peut-être il finira par les rouvrir. Et alors, s'il pousse des cris affreux, s'il nous accuse de l'avoir déshonoré, s'il suicide en laissant une belette pour le commissaire de police. Mais non, moi je me charge de le calmer avec un peu de comédie. Oui, un peu de comédie ou alors beaucoup d'argent. Comment ça? Mais quand il connaîtra toutes mes affaires, s'il me faisait du chantage. Lui? Oh, allons donc. Je suis sûr que c'est un homme absolument désintéressé et parfaitement incapable. Oui, parce qu'il est mal habillé, vous lui prêtez des grands sentiments. Ma chère amie, j'ai connu des maîtres chanteurs qui avaient l'air du jeune homme pauvre. Mais s'il marche dans vos combinaisons, il ne pourra plus que se taire. Castel, évidemment. Enfin, on peut l'embarquer tout de suite dans 5 ou 6 affaires et il devient inoffensif. Et puis, écoutez donc, Régis, nous allons lui donner le petit logement que j'ai fait préparer pour mon chauffeur, juste au-dessus des bureaux. Nous l'aurons sous la main à toute heure du jour, un collaborateur absolument dévoué qui nous devra tout. Eh bien, ma foi, on peut toujours voir. Suzy sonne, le maître d'hôtel paraît. Dites au professeur que je désire lui parler tout de suite. Castel Bénac. Il réfléchit. Topaz, agent d'affaires. Ah, ça ferait pas mal sur une plaque de cuivre. Mais dites donc, est-ce qu'il va accepter de quitter sa situation? Ah ben non, mais ça, son directeur, qui est un abominable marchand de soupe, l'a mis à la porte ce matin à la suite d'une histoire que j'ignore, à laquelle même lui-même n'a certainement rien compris. Ah, c'est à voir. Mon cher ami, permettez-moi de vous présenter M. Topaz, qui vient d'entrer, dont nous venons de parler. M. Castel Bénac, qui est un grand brasseur d'affaires. Monsieur, je suis extrêmement honoré, mais monsieur, l'honneur est pour moi. Monsieur, vous êtes trop bon. Non, nullement, monsieur, nullement. Asseyez-vous, monsieur Topaz, vous allez boire un petit cocktail avec nous. C'est un bien grand honneur pour moi, madame. Il s'assit au bord de la chaise. Pendant les répliques suivantes, Suzy sert les cocktails. Suzy, je viens de parler de votre cas, monsieur Castel Bénac. Oh, madame, vous êtes mille fois trop bonne. Mais non, et j'ai le plaisir de vous dire qu'il est tout prêt à s'occuper de vous. Oh, mais monsieur, je suis très reconnaissant. Mais non, monsieur, l'intérêt que je vous porte est tout naturel. Madame vient de me dire que vous êtes une valeur. Oh, monsieur, mais si. Une valeur qui est en ce moment, disons-le, inemployée. Ah ben oui, en somme, ça c'est le mot. Eh bien, monsieur Castel Bénac veut exploiter lui-même cette valeur. Merci, madame. Voyons, est-ce que vous tenez beaucoup à rester dans l'enseignement? À rester dans l'enseignement? Mon Dieu, oui, madame. Pourquoi? Parce que c'est une profession très considérée, peu fatigante et, mon Dieu, assez lucrative. Assez lucrative. Fort bien. Topaz, il boit une gorgée. Oh, c'est fort ce vin-là. Oui, c'est assez fort. Dites-moi, dit Suzy, qu'espérez-vous gagner en donnant des leçons? Je ne le sais pas encore exactement, mais je connais des professeurs libres qui se font jusqu'à des 1200 francs. Par mois? Oui, madame. Il est vrai qu'un professeur a des frais de tenue, n'est-ce pas, puisqu'il peut être appelé à converser avec des personnes de la meilleure société. Mais quand on gagne 1200 francs, Castel Bénac, évidemment, c'est très beau. Cette question de gain est un peu vulgaire, dit Topaz, mais elle a son importance. L'argent ne fait pas le bonheur, mais on est tout de même bien content d'en avoir. Nous en sommes tous là, dit Castel Bénac. La situation que monsieur va vous offrir peut vous permettre de gagner davantage. Oui, pas beaucoup plus, mais un peu plus, dit Castel Bénac. Oui, un peu plus. Je pourrais vous donner un fixe et une petite prime pour chaque affaire. Vous toucheriez en moyenne 2500 francs. Topaz. Par mois? Oui. Pour moi? Oui. Pour des leçons de quoi? Mais il ne s'agit pas de leçons. Non, il s'agit de remplir auprès de moi certaines fonctions assez, comment dirais-je, non pas difficiles, mais délicates. Ah, oui. Mais ces délicates fonctions, serais-je capable de les remplir? Pourquoi pas? Nous allons le voir. Voulez-vous me permettre de vous regarder un moment? Mais c'est tout naturel, monsieur. Régis examine Topaz, qui rougit, baisse les yeux. Régis passe derrière Topaz et cligne un œil vers Suzy. Bien. Puis-je vous poser quelques questions? Bien volontiers. Avez-vous de la famille? Mais hélas, non, je suis seul au monde. Oui, tout seul. Bravo, c'est parfait. Enfin, je veux dire que c'est bien triste, mais c'est le destin. Et les femmes? Comment les femmes? Vous avez bien quelques maîtresses, hein? Oh non, monsieur, non. Bon, cher ami, vous posez devant moi des questions, dit Suzy. Excusez-moi, cher ami. Le mot a dépassé ma pensée. Voyons, quelles sont vos relations habituelles? Mes collègues, je veux dire mes anciens collègues de la pension Muche. Je vois aussi quelquefois un camarade de régiment qui est maintenant garçon de café et que... Oui, non, ben, je vous demanderai de fréquenter ces braves gens le moins possible et en tout cas de ne pas les recevoir dans nos bureaux, ni même chez vous. Chez moi? Ah oui, car il faudra que vous habitiez ici. Ici. Les bureaux sont dans l'immeuble voisin. Eh bien, mon cher Topaz, vous me permettrez de vous appeler mon cher Topaz. Oh, c'est un grand honneur pour moi. Eh bien, mon cher Topaz, asseyez-vous. Je vais vous ouvrir une nouvelle agence d'affaires. Et comme je suis débordé de travail, il me faut un homme de confiance. L'agence portera son nom et il sera en somme le véritable directeur. Voilà le poste que monsieur vous l'estime. Mais madame, un directeur dirige. Exactement. Suis-je capable de diriger? Mais pourquoi pas? Madame, cette confiance m'honore, mais je crains que vous n'ayez une trop bonne idée de mes capacités. Mais non, vous êtes professeur, monsieur Topaz. Ben justement, madame, je suis professeur, c'est-à-dire que hors d'une classe, je ne suis bon à rien. Allons, cher ami, vous savez dicter. Ah, pour ça, oui, alors ça... Eh ben, vous dicterez le courrier au dactylo et vous surveillerez l'orthographe. Ah, ben alors, pour l'orthographe, ça, je m'en charge. Alors, vous savez signer? Mais naturellement, je sais signer. Je ne dis pas que j'ai une jolie signature. Ben, elle est très difficile à imiter. Aucun de mes élèves n'y a jamais réussi. Ça... Eh bien, vous signerez à ma place, voilà tout. Que pensez-vous de cette proposition? Ce que j'en pense, mais c'est la plus belle chance de ma vie. C'est à vous que je le dois, mais... Oh, j'hésite à accepter. Mais pourquoi? Castelbénac. Oh, bon Dieu, j'avais oublié ça. Quoi donc? Où êtes-vous né? Moi, à Tours. Alors, c'est fichu pour les balayeuses. Parce que je suis tourangeau que c'est fichu. Non, mais on n'a pas le temps de faire venir ces papiers d'état civil. Ah, c'est vrai, ça. Les voici. Comment? Vous les portez sur vous? Non, mais par hasard, c'est mon dossier que M. Muche m'a rendu ce matin. Oh, bah ça, c'était pas tant, dit Castelbénac. Eh bien, vous voyez que c'est Dieu qui l'envoie. Oh non, madame, c'est tout simplement M. Muche qui... qu'en dites-vous? Eh bien, Castel, il est parfait. Il est parfait. Il est certain que nous avons là toutes les pièces nécessaires. Alors, il peut signer les balayeuses. Ah, me voilà déjà en pays inconnu. Castelbénac, vous êtes d'avis qu'on le fasse marcher si vite? Mais oui, monsieur, faites-moi marcher tout de suite. N'hésitez pas, marchons, marchons, marchons, marchons. Que risquons-nous? Absolument rien, dit Topaz. Je ne dis pas que je réussirai du premier coup, mais vous pouvez toujours essayer. Vous en prenez la responsabilité, dit Castelbénac à Suzy. Absolument. Eh bien, soit. À Topaz, je vais d'abord vous donner une petite signature. Topaz Davis, le capuchon de son stylo, Castelbénac a tiré son carnet de chèques, il signe et lui tend un chèque. Topaz lit. Payé à l'ordre d'Albert Topaz la somme de 5200 francs. Pourquoi? Votre commission sur l'affaire est un mois d'avance. 5200 francs? Il les regarde l'un après l'autre, puis... Oh, grand Dieu! À quoi pensez-vous? J'ai, madame, une assez grande expérience de la vie. Je sais bien que l'on n'offre pas des fonctions si grassement payées à un homme incapable de les remplir. Mais puisqu'on vous dit que... On ne me dit pas tout. Votre bienveillance cale quelque chose et je sais bien quoi, madame. Je vous remercie, mais je n'en suis pas encore là. Ben, j'avoue que je comprends pas. Oh, madame, n'est-il pas visible que cette histoire d'agence et de balayeuse n'est qu'une façon déguisée de me faire la charité? Castelbénac pousse un grand soupir de soulagement. Eh bien, mais qu'allez-vous vous imaginer, dit Suzy? Croyez-vous que je me serais permis une chose pareille? Mon cher ami, vous vous trompez complètement. Je vous donne ma parole d'honneur que vous pouvez me rendre les plus grands services. Votre parole d'honneur? Faut-il que je vous fasse un grand serment? Oh, mais alors c'est trop beau, alors. Signez donc, cher ami, et inscrivez sous votre nom agent d'affaires. Topaz le stylo à la main. Monsieur, madame, c'est avec une émotion profonde et une définitive gratitude que je vous donne cette signature. Il signe. Régis prend les papiers. Castelbénac, bien. Mon cher directeur, je vous remercie. Je serai de retour dans une demi-heure, et si vous voulez bien m'attendre, nous pourrons causer plus longuement. Eh bien, j'espère que vous êtes content, dit Suzy. Comment vous témoignez mon dévouement? D'abord, en changeant de chapeau, dit Castel. Régis. Oui, monsieur Topaz a un très joli chapeau de professeur, mais maintenant il faut un feutre d'homme d'affaires. Ah, bien. Et ensuite? Bah ensuite, remplissez scrupuleusement vos fonctions. Pour le moment, il ne faut que signer et vous taire. Me taire? Oui, en affaires, la première qualité, c'est la discrétion. Très important, secret professionnel. Topaz. Ah oui, comme pour un médecin, quoi. Exactement. Castel, reprenez votre chèque. Tout à l'heure, mon cher directeur, j'aurai quelques signatures à vous demander. Vous me permettrez de vous enlever, madame, pour quelques instants? Mais bien volontiers, monsieur. Comment bien volontiers, dit Suzy. Ah ben, c'est-à-dire que... oui, à Suzy. Il est inouï. Topaz reste seul quelques secondes, il sourit, regarde le chèque, puis... Monsieur le directeur, mon cher directeur, 5200 francs, 346 leçons à 15 francs. Ah, les affaires, c'est inouï. Quand Tamise va savoir ça, lui qui me traitait d'arriviste, il avait peut-être raison. Entre le maître d'hôtel qui précède le jeune Roger. Je vais prévenir madame. Roger, bien, allez. Topaz a mis son chèque dans sa poche, il feint de regarder de près les tableaux. Roger l'examine, puis s'assoit. Il paraît légèrement inquiet. Enfin, après quelques regards, Roger le salue d'un signe de tête. Topaz répond en s'inclinant profondément et reprend sa contemplation des tableaux. Roger se lève et vient regarder le même tableau. Roger, vous aimez beaucoup la peinture? Oui, j'en suis curieux. Vous peignez peut-être vous-même? Non, monsieur, vous êtes peut-être marchand de tableaux. Non, non, je suis dans les affaires. Ah, eh bien, moi aussi. Vous êtes des amis des Castelbénac? Je ne peux pas dire que je sois de ses amis, quoiqu'il me témoigne beaucoup d'amitié. Je suis simplement son collaborateur. Hein? Depuis longtemps? Oh, mon Dieu, non, depuis quelques minutes, mais pour longtemps, j'espère. Ah, bah, c'est-à-dire que c'est vous qui faites les balayeuses. Monsieur, en affaires, la première qualité, c'est la discrétion. Oui, surtout pour ces affaires-là. Peut-être. Non, non, pas peut-être, sûrement. Va vous penser que si je connais le coup des balayeuses, je connais même un monsieur qui l'aurait fait s'il avait consenti à travailler au rabais, comme vous. Thomas, comme moi, au rabais. Au rabais. Allez, entre nous, alors, qu'est-ce qu'il vous donne? Cette fois, je puis vous répondre puisqu'il s'agit de moi-même. Voyez. 5200 francs, c'est votre commission? Non, c'est mon fixe et ma commission. Ah, dites donc, vous rigolez. Un peu. Je n'ai d'ailleurs aucun mérite à obtenir cette somme, c'est lui-même qui me l'a proposée. Cher monsieur en affaires, il est souvent bon d'avoir l'air idiot, mais alors vous poussez la chose un peu loin. Monsieur, il m'est pénible de m'entendre appeler idiot par une personne que je ne connais pas. Par égard pour la maison de notre hôtesse, il vaut mieux arrêter là cette conversation. Il lui tombe le dos. Oui, ben vous avez tort de faire tant de dignité devant un homme qui vous reverra sans doute quelques jours en correctionnel. En correctionnel? Peut-être plus tôt que vous ne pensez. C'est pas moi qui irai vous dénoncer, certainement, mais il y a 5 ou 6 personnes qui sont au courant et qui risquent de manger le morceau. Si vous avez marché à ce prix-là pour une pareille responsabilité, alors c'est navrant. Voyons, monsieur, vous me donnez l'impression que vous parlez de cette affaire comme si elle n'était pas rigoureusement honnête, hein? Monsieur, je vous somme de vous expliquer. De toutes les canaries que cette vieille fripouille a montées, l'affaire des balayeuses est celle qui présente les plus grands dangers. Enfin, à qui, dans votre pensée, s'applique ce terme de vieille fripouille, monsieur Ditopaz? Ben, notre brillant conseiller municipal. Quel conseiller municipal? Ben, comment, vous ne savez même pas que Castelbénac est conseiller municipal? Mais non. Ben, alors vous ignorez le genre de service qu'il attend de vous. Ben, moi, je dois le seconder signer à sa place, tout simplement, voilà. Tout simplement. Alors, celui-là, il est inouï. Mais d'où sortez-vous de l'enseignement? Ah, oh, j'aurais dû m'en douter. Alors, mon pauvre monsieur, si vous savez où est votre chapeau, prenez-le et foutez le camp. Vous n'avez rien à faire ici. Ah non, monsieur, on ne diffame pas ainsi les gens sans apporter des précisions. De quoi accusez-vous mon bienfaiteur? Mon cher monsieur, votre bienfaiteur profite simplement de son mandat politique pour vous faire voter l'achat de n'importe quoi, et il fournit ce n'importe quoi sous le couvert d'un prête-nom. Ah, mais alors ce serait de la prévarication? Peut-être. La forme la plus honteuse du vol? Oh mon Dieu, vous savez, il ne l'a pas inventé, c'est la base même de tous les régimes démocratiques. Des autres aussi, d'ailleurs. Te passe. Ah non, alors des preuves, donnez-moi des preuves. Écoutez donc, je veux bien éclairer votre lanterne, mais vous ne direz jamais d'où viennent ces renseignements. S'ils sont exacts, je vous promets le silence. Eh bien, passez un instant à côté. Sur le bureau, il y a des dossiers. Ouvrez donc le premier venu. Si l'enseignement ne vous a pas absolument détruit, vous serez vite renseigné. Bien, mais alors j'y vais. Mais si vous m'avez menti, je reviens vous jeter à la porte. Oui, c'est ça. Sainte innocence. Suzy rentre. Elle voit Roger. Rebonjour. Vous avez eu un remords? Non, madame, un regret. J'ai regretté cette rupture quand j'ai réalisé qu'elle me priverait du plaisir de vous voir. On le flattait. Et je reviens faire la paix avec Castelbénac. Ah, mon cher ami, la paix est toute faite à l'heure actuelle. Il a certainement oublié la discussion de tout à l'heure. Mais pour ce qui est de repêcher les balayeuses, je crains qu'il ne soit trop tard. J'ai l'impression qu'il est allé chercher quelqu'un. Oui, j'en ai comme une intuition. Mais s'il ne trouve personne, ou si la personne qui l'aura trouvé ne lui offrait pas une sécurité complète, j'espère que vous me rappellerez au bon souvenir de notre ami. Bon, soyez certain que je n'y manquerai pas. Et je suis touché de cette démarche. D'ailleurs, madame, s'il était impossible de raccrocher l'affaire, je voudrais que vous rassuriez notre ami sur mes intentions à son égard. Dites-lui bien, madame, je vous en prie, que malgré la façon un peu cavalière dont il en use envers moi, il ne saurait être question entre nous de représailles. Quelles représailles? Pourrait par exemple taquiner par des échos dans les journaux, ou me divertir par l'envoi de lettres non signées qui donneraient à ses ennemis le moyen de lui nuire. Je tenais à vous dire, madame, que je ne le ferai pas. Mais mon cher ami, j'en suis bien certaine. D'abord parce que vous êtes un gentilhomme, et ensuite parce que vous n'avez aucun intérêt à dévoiler des histoires dans lesquelles vous avez joué un rôle important. C'est vrai, mais il a fait sans moi d'autres affaires et beaucoup de gens les connaissent. Si par exemple il avait des ennuis pour les balayeuses, je tiens à vous dire à l'avance qu'il ne viendrait pas de moi. J'en suis absolument persuadé. Je vous en remercie, madame. Castel entrant. Vous êtes encore là? Oh, cher ami, je disais à madame que si par hasard vous aviez besoin de moi, je serais jusqu'à minuit à Passy. Castelbénac. Lessivez les balayeuses, vite! Ah, je suis content de ne plus travailler avec cette fripouille. Tu as déposé le dossier? Oui, maintenant l'affaire est réglée. Où est-on protégé? Bon, je pense qu'il visite les bureaux. Il est très bien, ce garçon, il me plaît beaucoup. C'est le type même de l'abruti. Entre te passe. Eh bien, cher ami, Topaz. Il va... Castelbenac se dirige vers Topaz. Topaz l'écarte. Madame, savez-vous qui est monsieur Castelbenac? Comment qui je suis? Quelle étrange question. Madame, ignorez-vous ce que je viens d'apprendre? Qu'est-ce que cette plaisanterie? Un homme qui jouit de votre confiance et que vous honorez de votre amitié, cet homme est un malhonnête homme. Moi? Ben, monsieur Topaz, songez-vous à ce que vous dites. Madame, écoutez bien les mots que je prononce. Monsieur Castelbenac est un prévaricateur. Il est donc juste et nécessaire que cet homme soit mis en prison. J'ai bien l'honneur de vous saluer. Mais ben, où allez-vous? Chez le procureur de la République. Ah non, ça m'est... Monsieur Topaz, un instant. Eh bien, cher ami, on peut dire que vous avez la main heureuse, dit Castelbenac à Suzy. C'est vous qui avez choisi cet halluciné. Régis, laissez-nous seuls. Je vous en prie, je me charge d'expliquer la chose à monsieur. Bien, expliquez-lui ce que vous voudrez, mais surtout dites-lui bien que s'il est piqué des hannetons, moi je le fais boucler chez les fous, ça ne va pas traîner. Et il sort. Suzy, monsieur Topaz, voulez-vous me perdre? Vous? Moi? Mais votre sort est donc lié au sien? Elle se laisse tomber sur le divan et dans un souffle. Oui. Quoi? Vous, complice de ce forbon? Vous? Oh, grand Dieu! Vous avez tout compris trop tôt. Vous savez dès maintenant ce que je voulais vous dire demain. Madame, que vouliez-vous me dire? Mon histoire, ma stupide histoire. Vite, nous avons encore peu de temps, écoutez-moi. Je vous écoute, madame. Quand j'ai connu Castelbenac, je n'étais encore qu'une enfant. Il fréquentait la maison de mon père, il était le conseiller financier de toute la famille, il exerçait la profession d'avocat et il faisait de la politique. Naturellement. Oui, naturellement. Quand je me suis retrouvé seul au monde, je me suis tourné vers lui parce qu'il était l'exécuteur testamentaire de mon père. Je vois très bien ça, dit Topaz. Il m'a conseillé de tout vendre, l'usine, les terres, le château, puis je lui ai confié toute ma fortune et il s'est occupé de placer mon argent. Oh, dans quelles affaires, grand Dieu! Je ne le savais pas. De temps à autre, il me faisait signer des papiers auxquels je ne comprenais rien, sinon qu'il s'agissait de contrats avec la ville. Et vous avez signé? Oui. Vous eussiez mieux fait de vous couper la main droite. Oui, mais je signais sans savoir, comme vous tout à l'heure. C'est vrai, comme moi. Et quand avez-vous compris? Trop tard. Pourquoi? Mais il est jamais trop tard. Je pouvais le perdre. Je ne pouvais plus me sauver. Quel tribunal aurait cru à ma bonne foi? Mais madame, il suffit de raconter ce douloureux roman comme vous venez de me le raconter. L'accent de la sincérité ne trompe pas, enfin. Oui, peut-être, j'aurais dû le dénoncer dès que j'ai compris. Mais maintenant, je suis perdu, car depuis plus d'un an, j'assiste sans maudire à ses tripotages. Et il m'a bien souvent forcé à y prendre part. Vous m'avez cru complice? Ah, pas complice. Victime. Jugez-moi. Ah, dit Topaz. Les voilà bien, les drames secrets du grand monde. Ah, le monstre est complet. Mais pourtant, madame, c'est vous tout à l'heure qui m'avez jeté dans ses griffes. Pourquoi? Vous n'avez pas compris? Non. Enfin, que peut faire une femme seule qui se sent au pouvoir d'un homme redoutable? Pleurer et chercher un appui. Et vous m'aviez choisi, moi? Moi? Pourquoi, madame? Dites-moi pourquoi. Je ne sais pas. Mais oui, vous le savez. Vous le savez, dites-le-moi. Eh bien... La première fois que je vous ai vu, j'ai été frappé dès l'abord par votre visage énergique. Faites Topaz. Il m'avait semblé lire dans vos yeux un certain intérêt, presque une promesse de dévouement. Je pensais, celui-là n'est pas comme les autres, il est simple, intelligent, énergique, désintéressé. Si j'avais tout près de moi un homme comme lui, je serais protégé, défendu, peut-être sauvé. Me suis-je trompé? Non, madame. Cet immense bonheur, je veux en être digne. Madame, qu'attendez-vous de moi? D'abord le silence. Si vous parlez, je suis ruiné, déshonoré, perdu. C'est bien, je me tairai. Et puis, il faut rester près de moi, j'ai tant besoin de vous. Oui, madame, je veux rester près de vous. Merci. Elle lui serre les mains. Merci. Mais savez-vous à quelles conditions? Non, il faut regagner la confiance de notre ennemi. Mais comment le puis-je, après les mots que j'ai prononcés tout à l'heure? Écoutez mon plan, il est simple, il est efficace, car cette situation qui est nouvelle pour vous, j'y pense depuis bien longtemps. Il faut vous installer dans la place, il faut faire bon visage à Castelbenac, le seconder dans ses affaires. Ainsi, peu à peu, vous l'étudierez, vous chercherez son point faible, vous le trouverez, et quand vous jugerez que vous pouvez le frapper sans m'atteindre, alors vous frapperez. Quoi? Je découvre un criminel et je deviendrai son complice? Oui, si vous voulez me sauver. Topaz a un long moment. Il se lève. Ah, oh, ce débat est cornélien. Quel carrefour! Quel conflit de devoirs! Ah, si j'avais seulement une heure pour peser le pour et le contre! C'est tout de suite qu'il faut choisir. Castelbenac est dans la pièce à côté. Il croit que je suis en train de vous exposer ici les avantages de votre complicité et peut-être de vous proposer une augmentation afin de calmer vos scrupules. Oh, quelle bassesse! Il faut lui laisser croire que tel fut le sujet de notre conversation. Et pour le rassurer, il faudrait lui donner très vite une preuve de docilité. Ah ben oui, évidemment, mais laquelle? Oui, laquelle? Topaz. Et si je lui serrais la main, la première fois que je le verrais? Ben, il faut le faire, mais c'est pas assez, ça. Et si je lui rendais ses papiers en lui disant que tout va bien? Oui, excellent, mais alors il faut les lui rendre signés. Et pourquoi signer? Parce que votre signature signifie que vous marchez avec lui, endormira sa confiance. Donnez. Elle prend les papiers. Qu'est-ce que c'est que ça? Topaz. C'est un achat de 8 maisons à la rue Jameau pour les revendre très cher à la ville, qui doit exproprier pour élargir la rue. Bon, tenez, asseyez-vous-là, prenez cette plume et signez ici. Topaz, il a une dernière hésitation, il regarde Suzy. C'est difficile. Pour moi, dit Suzy. Il signe, elle lui passe un autre papier. Celui-ci, il signe. Celui-ci, il signe. Il signe pendant que le rideau tombe. Au troisième acte, il se passe beaucoup de choses dans l'âme de Topaz. Pour le résumer, j'ai pris ce passage-là qui indique le mieux les tourments de Topaz. Il parle de sa conscience, il en parle à Suzy, et évidemment, elle trouve ça assez ridicule. Et notamment, il arrive fréquemment que le matin, les balayeuses passent devant la fenêtre de Topaz. Et ça l'émeut profondément parce qu'il voit écrit sur système Topaz sur les balayeuses, et comme il le dit, il parle de sa conscience, et Suzy lui dit, mais laissez donc votre conscience tranquille. Non, mais c'est elle qui poursuit, qui me traque, qui m'environne. Le poids de mes actes m'écrase. Enfin, caché dans ce bureau, je sens que l'univers m'assiège. Ce matin encore, je me suis penché à cette fenêtre, malgré moi, pour voir passer 3 balayeuses qui portent sur l'avant mon nom en être liclé, système Topaz. Leur flet du soleil sur cette imposture étincelante m'a forcé de baisser les yeux. J'ai bondi en arrière, j'ai refermé la fenêtre, mais le bruit de leur moteur m'arrive encore. Et savez-vous ce qu'ils disaient, ces moteurs? Ils disaient, tripoteur, tripoteur, tripoteur. Et ses brosses obliques en frottant les pavés, je dis, t'as pas escroc. Oh, mais vous êtes fou, mon pauvre ami. Faut parler de ces visions à Castelbénac. À quoi bon? Je sais bien que ce sont des hallucinations, mais elles me tourmentent nuit et jour. Mais parce que vous demeurez ici, enfermé comme dans une prison, faudrait profiter de votre situation, voir des gens, sortir. Croyez-vous, madame, que je sois en état de soutenir le regard d'un honnête homme? Bon, en admettant que le regard d'un honnête homme est quelque chose de particulier, on n'en rencontre pas tellement. Elle le regarde, surprise par des tics nerveux qui l'agitent. Mais c'est vrai qu'il a l'air d'un fou. Topaz, écoutez-moi, en ce moment, vous êtes malade. Voulez-vous aller passer quelques semaines à la campagne? J'expliquerai la chose à Castelbénac. Non, madame. Non, je reste ici, j'attends. Qu'attendez-vous? Ce qui doit arriver. Est-ce que vous nous auriez dénoncé? Oh, non, je n'ai même pas ce courage. Révéler votre indignité, ce serait proclamer mon infamie. Et puis, vous dénoncer, vous. Pourquoi pas moi? Allons, madame, ne feignez pas. Ce sentiment que je vous tais, vous l'avez su même avant moi. Et vous vous en êtes servi avec une adresse diabolique pour me jeter dans les tourments où je suis aujourd'hui. Et voyez jusqu'où va ma bêtise. Je sais tout. Et ce sentiment n'est même pas mort. Oui, je vous hais et je vous aime à la fois. Et je sais pourquoi je vous aime et j'ignore pourquoi je vous aime. Mais dans tous ces malheurs et dans toute cette haine, la seule douceur qui me reste, c'est de vous aimer toujours. Vous êtes fou, mais vous dites parfois des mots gentils. Oui, gentils. Depuis longtemps, j'attendais cette scène, dit Suzy. Car je savais bien que vous finiriez par apprendre la vérité. Je me demandais avec une certaine inquiétude ce que vous feriez. Ben, vous le voyez, madame, j'ai maigri, c'est tout ce que j'ai pu faire. Mon pauvre ami, si vous saviez comme parfois je regrette, mais non, ne regrettez rien, puisque vous avez obtenu ce que vous désiriez, un homme de paille soumis et timide. Ainsi, vous gagnez de l'argent, vous vivez dans une sécurité trompeuse auprès de celui que vous aimez, car vous l'aimez, cet homme, cet abominable gredin, cet abcès politique, cette canaille enflée, qui verra quelque jour fondre sa graisse jaune au soleil des travaux forcés. Mais non, dit Suzy, d'abord il ira jamais aux travaux forcés, ensuite je ne l'aime pas. Vous ne l'aimez pas? Ben voyons, Topaz, vous rêvez. Ben alors pourquoi êtes-vous à lui? Parce qu'il me fait une vie honorable. Il fait une vie honorable? Mais vous n'êtes qu'une femme entretenue. Bon, comme toutes les femmes, que ce soit un mari ou un amant, la différence est-elle si grande? Ben si vous ne l'aimez pas, alors qui donc aimez-vous? Personne. Ben, peut-être avez-vous eu alors dans votre adolescence une déception sentimentale de... Pas du tout. L'amour ne m'a jamais déçu, je ne lui ai jamais rien demandé. Mais vous n'avez donc jamais eu de cœur, jamais eu le temps. J'ai des soucis, moi. Est-ce que vous croyez que tout le monde a votre chance? Ma chance? Mais oui. Mais la fortune vous est venue sans même que vous y pensiez. Vous n'avez même pas eu le courage de lui faire bon accueil. Moi, il m'a fallu la gagner. Et la gagner vite, sinon je serais morte d'impatience et de désir. Mais sachez bien que chaque pas que j'ai fait sur cette route, il m'a fallu le préparer et le payer. Au fond, que me reprochez-vous? De n'avoir point de mari? Mais si à 20 ans, j'avais rencontré un homme riche, prêt à m'épouser, je vous jure que j'aurais pas dit non, mais j'étais pauvre. Qui étaient mes prétendants? Le fils d'un maréchal ferrant, un marchand de journaux, un contrôleur des tramways? Si j'avais accepté, qu'est-ce que je serais aujourd'hui? Une femme vieillie avant l'âge, les dents jaunes et les mains détruites? Mais regardez ce que j'ai sauvé. Ouais, mais pourtant, l'argent fait pas le bonheur. Non, non, il fait pas le bonheur, mais il l'achète à ceux qui le font. Moi, j'ai su ce que je voulais, et ce que j'ai voulu, je l'ai. D'ailleurs, je n'ai pas à me justifier devant vous, et je sais même pas pourquoi je vous raconte ces choses. Mais peut-être avez-vous pour moi de la sympathie. Oui, oui, je vous l'ai dit, et c'est vrai. Ben, peut-être un jour cette sympathie. Mon cher Topaz, mettons les choses au point. Je me suis intéressé à vous parce que j'ai reconnu en vous la noble, la grandiose, l'émouvante stupidité de mon père. Il avait un petit emploi, plus petit encore que n'était le vôtre. Il le remplissait, comme vous, avec une merveilleuse conscience. Ben, il est mort pauvre, pauvre. Vous voyez que cette sympathie, c'est pas de l'amour. Et d'ailleurs, même si j'avais envie de vous aimer, je ne me laisserais pas aller. Et pourquoi ? Parce que vous êtes un homme timide, faible, crédule. J'aurais besoin d'un homme qui me traîne dans la vie, et vous, vous n'êtes qu'une remorque. Si vous aviez dans le fond quel courage et quelle énergie il m'a fallu... Non, mon cher, vous avez des visions, vous entendez parler des balayeuses. C'est bien joli, mais c'est pas rassurant. Je ne vous demande que votre amitié, comme je vous donne la mienne. Et maintenant que la crise est passée, tâchez donc d'apprendre la vie. Je vous aiderai de mon mieux. Avant que vous entriez ici, dites pas, je vous aimais d'une façon haineuse. Et maintenant, même après ces paroles qui ne me laissent aucun espoir, je vous pardonne de tout mon cœur ce que vous m'avez fait. Mon bon Topaz. Mais c'est pas du mal, c'est du bien. Non. Mais puisque vous l'avez fait avec une bonne intention, je vais vous dire ce que je gardais secret. Et Castelbennac entre, et ici, il flanque à la porte, suivant un procédé de la manière forte. Il flanque à la porte des gens qui viennent faire du chantage. Et au quatrième acte, même décor, c'est-à-dire le bureau de l'agence, il est 4 heures de l'après-midi. Suzy, Castelbennac. Suzy et Castelbennac sont assis dans des fauteuils et attendent la mine assez grise. Ils fument tous les deux. Soudain, Castelbennac se lève et tire sa montre. Il a tout de même du toupet. Enfin, il est 4h30, je lui avais dit que je viendrais à 2h. Oui, puis s'il est retenu quelque part, il aurait pu téléphoner. Ma chère amie, en ce qui vous concerne, il y a une excuse. Il ne se doute pas que vous devez assister à notre règlement de compte mensuel. Comment ? Ben, il travaille pour nous depuis 8 mois, j'ai été présente toutes les fois. Oui, sans doute, mais vous étiez là en curieuse et comme par hasard. Il sait bien que votre présence n'est pas nécessaire. Oui, au fond, c'est vrai. Il vaudrait peut-être mieux que je m'en aille. Elle se lève. Ah, écoutez, je n'osais pas vous le dire, mais je le souhaitais. Me déplairait que vous ayez l'air d'avoir attendu ce monsieur. Ben, vous avez raison. Elle se dirige vers la porte, soudain elle se retourne avec un rire moqueur. Oh, vous seriez content si je sortais, hein ? Non, pas si bête, mon cher. Comment pas si bête ? Vous espériez peut-être me cacher l'affaire du Maroc. Quelle affaire du Maroc ? Bon, vous en faites une tête... Enfin, vous niez une... Mais je ne sais pas de quoi vous parlez. Alors, cette mauvaise foi me prouve que vous étiez décidé à garder pour vous ma commission. Eh ben, ça, mon cher, je ne l'admets pas. Mais ma chérie, je te jure que je comprends pas, en fait. Vous ignoriez que vous faites une affaire de concession de terrain au Maroc. Des terrains qui contiennent des carrières de marbre, des gisements de plomb et des forêts de chêne liège. Première nouvelle, enfin, qui vous a dit ça ? Il serait difficile de l'ignorer, attendu que Maresco, le député, est ici tous les matins avec un petit attaché du ministère des colonies. Et bien, si vous croyez que j'ai pas vu cette carte avec un carré au crayon bleu, c'est que vous me prenez vraiment pour une sotte. Castelbennac s'approche de la carte et la regarde avec sincère étonnement. Ah ben, cette carte, je l'avais même pas remarquée. Rien n'est agaçant comme cette hypocrisie. Mais ma chère, rien n'est agaçant comme ces reproches à propos d'une histoire dont je connais pas le premier mot. Alors, voulez-vous me dire pourquoi il vous déplaît que j'assiste à ce règlement de compte ? Mais c'est tout simple. Topaz est devenu assez fier depuis qu'il a réussi cette affaire et il se prend un peu trop au sérieux. Quand je suis seul avec lui, il m'est possible de tolérer une certaine liberté de langage. Tandis que votre présence peut exciter son amour-propre. Il dépasserait peut-être les bornes de ma patience et me réduirait probablement à le mettre à la porte. Ce qui serait bien triste pour ce garçon. Oui, en somme, vous avez pitié de lui. Peut-être. Vous en avez peur. Mon cher ami, songez à ce que vous dites. Moi, j'aurais peur de mon employé. En tout cas, vous venez d'avouer que votre employé n'a pas peur de vous. Ça, il n'a plus peur de moi, c'est un fait. Et j'ajoute que c'est par votre faute, absolument. Par ma faute. Sous prétexte de le rassurer, de le guider, vous êtes venu ici trop souvent. Vous avez poussé l'imprudent jusqu'à lui donner des conseils sur ses costumes. Mais dans notre intérêt, enfin, un directeur d'agence aussi mal vêtu était suspect. Oui, mais seulement maintenant, si j'ai besoin de lui, le matin, on me répond « Monsieur est chez Chontailleur » ou « Monsieur est à la piscine ». Et encore, ceci ne serait que ridicule, mais vous avez fait pire. Régis, oui, vous avez fait pire. Ben, qu'ai-je donc fait ? Vous lui avez appris à manger. Pourquoi ? Parce que je l'ai invité quelques fois. 2 fois par semaine en moyenne. Vous lui avez révélé les grandes nourritures. Et maintenant, parbleu, il a l'intelligence et l'énergie d'un homme bien nourri. C'est exactement l'histoire du chimpanzé de ma mère. Quand elle l'a acheté, il était maigre. Il peut la misère, mais je n'ai jamais vu un singe aussi affectueux. On lui a donné des noix de coco, on l'a gavé de banane, il a cassé la gueule à la bonne. Enfin, il a fallu appeler les pompiers. Bon, mais cette fois, je vais lui faire sentir les rênes, moi. Suzy le regarde d'un drôle d'air. Il traverse encore une fois le bureau, les mains derrière le dos. Il a un subit accès de colère. Qu'est-ce que c'est que ce miteux se permet ? Un misérable pion, c'est de la conscience. Oh, mais attends. Castelbennac sec et autoritaire à l'entrée de Topaz. Topaz, il porte un costume du bon faiseur, il a des lunettes d'écaille, sa face est entièrement rasée. Il marche d'un pas décidé. J'ai le regret de vous dire qu'il est 4h03. Topaz le regarde d'un air absent, passe devant lui, salue Suzy, et va s'asseoir au bureau. Il ouvre un tiroir noir, prend un carnet, Nous vous attendons depuis 2 heures. Ben, il est tout de même paradoxal. Vous permettez une seconde. Il note quelque chose et remet le carnet dans le tiroir. Suzy et Castelbénac se regardent un peu ahuris. Castel fait à Suzy un signe qui veut dire « Tu vas voir tout à l'heure ». Voilà, c'est fait, dit Topaz. Eh bien, je suis charmé de vous voir. De quoi s'agit-il ? Du règlement de compte pour le mois de septembre, puisque nous sommes le 4 juillet, dit Suzy. Écoute, chère madame, vous êtes la grâce et le sourire, tandis que des règlements de compte sont des choses sèches et dures. Je vous supplie de ne point faire entendre ici une voix si pure qu'elle rendrait ridicule les pauvres chiffres dont nous allons discuter. Il lui baisse la main et la conduit avec beaucoup de bonne grâce jusqu'à un fauteuil. Il la fait asseoir et lui tend un journal illustré. Et voici le dernier numéro de La Mode Française, car j'ai suivi votre conseil, je me suis abonné. Ah ! Qu'y a-t-il pour votre service, monsieur Castelbénac ? Des chiffres ? Oui, oui, venons-en aux chiffres. Je vous dirai ensuite ma façon de penser. Mais je serais charmé de la connaître. Je vous dois, dit Topaz, pour le mois de septembre, une somme globale de 65 347 francs. Il lui remet un papier. Castelbénac compare avec le carnet qu'il a tiré de sa poche. Ce chiffre concorde avec les miens. Il examine le papier. Suzy lit par-dessus son épaule. Suzy, l'affaire du Maroc est-elle comprise ? Ah, oui, dit Castelbénac. Et qu'est-ce que c'est que cette affaire du Maroc ? Personnel. Comment personnel ? Puis je veux dire, ça veut dire que ça ne vous regarde pas. Mais, monsieur Topaz, que signifie cette réponse ? Elle me paraît assez claire. Comment ? Laissez-moi parler, je dois... Asseyez-vous. Castel hésite un instant, puis il s'assoit. Cependant, Topaz a tiré de sa poche un étui d'argent. Il le tend à Castelbénac. Cigarette ? Merci. Topaz allume sa cigarette, puis très calme et très familier. Mon cher ami, je veux vous soumettre un petit calcul. Cette agence vous a rapporté en 6 mois 785 000 francs de bénéfices nets. Or, le bureau ne vous a coûté que 10 000 francs pour le bail, 20 000 pour l'ameublement, en tout 30 000. Comparez un instant ces deux nombres, 785 000 et 30 000. Je ne vois pas l'intérêt de cette comparaison. Il est très grand. Cette comparaison prouve que vous avez fait une excellente affaire, même si elle s'arrêtait aujourd'hui. Mais pourquoi s'arrêterait-elle ? Parce que j'ai l'intention de garder ce bureau pour travailler à mon compte. Désormais, cette agence m'appartient, les bénéfices qu'elle produit sont à moi. S'il m'arrive encore de traiter des affaires avec vous, je veux bien vous abandonner une commission de 6%. C'est tout. Castelbénac et Suzy se regardent. Castelbénac avec effort. Je vous l'avais toujours dit, notre ami Topaz est un humoriste. Ah, dit Topaz, tant mieux si vous trouvez ça drôle, je n'osais pas l'espérer. Suzy, monsieur Topaz, parlez-vous sérieusement ? Oui, madame. D'ailleurs, en affaires, je ne plaisante jamais. Alors, vous vous croyez propriétaire de l'agence ? Je le suis. L'agence porte mon nom, le bail est à mon nom, je suis légalement chez moi. Enfin, ce serait d'un simple vol. Adressez-vous au tribunal. Suzy partagée entre l'indignation, l'étonnement et l'admiration. Ah ! Castelbénac. Moi, j'ai vu bien des cravules, mais j'en ai jamais vu d'aussi froidement cynique. Oh, allons, dites, passe pas de flatterie, ça ne prend pas. Suzy. Enfin, Régis, allez-vous supporter ? Enfin, dites quelque chose, Régis, voyons. Oh, nom de Dieu ! Madame, dit Topaz, mettez-vous à sa place, c'est tout ce qu'il peut dire. Castelbénac après un tout petit temps. En fait, Topaz, il y a certainement un malentendu. Oui, vous êtes incapable de faire une chose pareille. Vous niez l'évidence, dit Topaz. Enfin, allons, réfléchissons. Sans moi, vous seriez encore à la pension, mais c'est moi qui vous ai tout appris. Mais vous avez touché 785 000 francs pour ça. Moi, on ne m'a jamais payé ça pour un élève. Ah non, ça, je ne peux pas croire. Vous êtes un honnête homme, enfin, Topaz. Enfin, vous pour qui j'avais de l'estime et même de l'affection, oui, de l'affection. Enfin, pensez que vous me faites un coup pareil pour une sale question d'argent. Oh non, j'aurais trop de peine. Et vous aussi. Mais non, enfin, n'est-ce pas, Suzy, dites-lui qu'il aura de la peine, qu'il le regrettera. Elle regarde Castelbénac avec mépris, dans un grand élan. Bénac. Eh bien, tenez, je vous donne 10%. Mais non, dit Topaz. Voyez-vous, mon cher Régis, je vous ai vu à l'œuvre et je me suis permis de vous juger. Vous n'êtes pas intéressant. Vous êtes un escroc, oui, je vous l'accorde, mais de petites traces. Vos coups n'ont aucune envergure. 15 balayeuses, 30 plaques d'égout, 10 douzaines de crachoirs émaillés. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Quant aux spéculations comme celle de la pissotière à roulettes, ça, mon cher, ce ne sont pas des affaires, c'est de la poésie toute pue. Non, non, vous n'êtes qu'un bricoleur. Ne sortez pas de la politique. Eh bien, ça y est, dit Castelbénac à Suzy, c'est le coup du chimpanzé. Voilà tout ce que vous trouvez à dire. Enfin, que peut-on dire à un bandit ? Vous êtes un bandit ! Allez, allez, vous n'êtes pas un homme, dit Suzy. Castelbénac se tourne violemment vers Suzy avec un grand courage. Oh, vous, taisez-vous, je vous prie. Car je me demande si vous n'êtes pas sa complice. Mais vous savez bien que c'est pas vrai. Où aurait-il pris cette audace si vous ne l'aviez pas conseillé ? Topaz s'est remis à son bureau, il écrit paisiblement, ouvre son courrier. Oui, avouez-le, c'est vous qui faites le coup. Topaz, croyez ce que vous voudrez. Je n'ai pas besoin de votre permission pour croire ce que je vois. Il y a longtemps que je suis fixé. Suzy, moi aussi. Mais il ne faut pas vous imaginer que ça va se passer comme ça. Je vous ai donc pas donné assez d'argent depuis 2 ans? Oh, voilà le comble de la vulgarité. La vulgarité. Oh, la vulgarité. Topaz, dites donc, si vous avez envie de crier, allez faire ça ailleurs que chez moi. Castelbaignac, feint de ne pas avoir entendu, cependant, il baisse la voix. Chère madame, quand je vous ai connue, vous portiez du lapin. Grossier personnage. Elle taillait des chapeaux dans les vieux feutres de son père. Monsieur, je vous défends de parler sur ce ton à une femme. Allez-vous-en. Soit, rira bien qui rira le dernier. Vous aurez mes nouvelles. Mais non, mais non. Je vais de ce pas chez le procureur. Topaz, ça m'étonnerait. Castelbaignac, quant à vous, madame, vous m'avez trop longtemps ridiculisé. Suzy, c'est vrai. J'attends que désormais votre attitude change. Je serai chez vous tout à l'heure pour vous dire ce que j'ai résolu. Suzy, vous avez résolu de parler grossièrement à une femme parce que vous avez peur d'un homme. Je vous trouve profondément méprisable. Castelbaignac, madame. Topaz, il se lève et s'approche de Castelbaignac. Sortez, monsieur. Mais croyez-vous par hasard? Allons, sortez. Soit. Je pourrais abuser de ma force physique. Et ne vous gênez pas. Mais je ne suis pas un portefeuille. C'est vous qui le dites, dit Suzy. Alors que j'aurais choisi, je vous ferais payer vos fanfaronnades. Mais pour le moment, j'aime mieux Henri. Oui, j'aime mieux Henri. Et il sort. Topaz, il s'est montré au naturel, mais il ne tardera guère à vous faire de plates excuses et vous les accepterez en souriant pour conserver votre honorable situation. Je vous trouve bien impertinent, mon cher ami. Trop, peut-être. J'ai l'impression que vous avez absolument perdu la tête. Enfin, croyez-vous que votre coup d'étoile soit une preuve d'intelligence? Non, d'autorité, tout au plus. Enfin, ces quelques secondes d'autorité vous coûteront cher. Pourquoi? Ben, c'est parce que cette agence par elle-même ne vaut rien. Elle rapportait de l'argent parce que derrière cette façade, il y avait Régis. Ben, désormais, il y aura moi. Vous? Mais que croyez-vous faire tout seul? Demandez-moi plutôt ce que j'ai fait. Depuis 3 mois, chère madame, j'ai travaillé pour moi. J'ai fréquenté des gens intéressants et j'ai gagné pas mal d'argent. Lorsque le Maroc va donner... Assez sérieux, le Maroc. Mais il n'y a rien de plus sérieux. Concession de 5000 hectares, société anonyme, 4000 parts de fondateurs pour moi. Voyez? Les titres seront mis sur le marché le mois prochain. Vous travaillez donc avec des ministres? Oh, pas encore, non? Un sénateur, un banquier, un boucher, la première danseuse du caïd des Benil-Mellal. C'est d'ailleurs pas une affaire malhonnête. Elle comporte des pots de vin comme toutes les affaires coloniales, mais légalement, le coût est régulier. Et j'ai d'autres choses en vue. Ah ben, décidément, vous êtes bien changé. À mon avantage? Oui, peut-être, mais pas au mien. Comment cela? Ben, moi, j'avais des intérêts dans cette agence. En dépouillant Régis, vous me dépouillez, je touchais 8% des affaires. Mais, madame, il ne tient qu'à vous les conserver. À quel titre? Ben, je vous dois beaucoup et puis j'ai encore besoin de vos conseils. Ah, je vous croyais un grand homme d'affaires. Non, pas tout à fait. Il me manque encore quelque chose. Et quoi donc? Le signe éclatant de la réussite. Une maîtresse élégante et connue que je puisse montrer chez les autres et qui sache recevoir mes amis dans un intérieur de bon goût. Ah, mon cher Topaz, je crois que vous allez un peu vite. Et pourquoi, madame? Bon, enfin, je sais ce que vous, un Topaz, puisque je sais comment on les fait. C'est pourquoi, malgré vos heures définitives, je me permets de vous donner ce conseil. Mais c'est un conseil que je vous demande, madame. Je voudrais votre avis sur le choix que j'ai fait. Ah, ben, si votre choix est fait, il est un peu tard pour me consulter. Qui est-ce, Topaz? Devinez. Je la connais? Fort bien. Brune ou blonde? Brune. Petite? Moyenne. Jolie? Très jolie. Et elle porte la toilette à ravir. Elle avait hier une robe d'un goût. Exquis. Un manteau de velours rouge bordé de vison clair. Ah oui, exquise. Oui, mais elle se moque peut-être de vous. Qui sait? Elle vous regarde probablement comme un homme sans grand avenir. Elle aurait tort. Ben moi, je vous conseille de mieux faire vos preuves avant de lui adresser des propositions qui pourraient lui déplaire. Croyez-vous? Moi, je crois qu'elle vous remettra à votre place. Ah bah, sur ce point, je crois que vous vous trompez. Je pense que je ferais bien de lui parler le plus tôt possible. Tant pis pour vous. Son amant vient de la quitter, elle n'attend peut-être qu'un mot pour tomber dans mes bras. Suzy éclate de rire. Vous voilà bien fat et bien prétentieux. Essayez donc de dire ce mot. J'essaierai. Mais essayez donc tout de suite, ça me distraira. Topaz. Bien. Il prend le téléphone. Allô, Passy 43-52. Comment, dit Suzy. Odette? Bah, le baron Martin l'a quitté hier, je l'ai rencontré, nous avons pris le thé ensemble et il m'a semblé que... Oh, comme c'est bête, dit Suzy qui lui prend le récepteur et le raccroche. Vous m'estimez donc assez peu pour me jouer une pareille comédie? Enfin, qu'espérez-vous? Topaz. Rien. Que puis-je espérer? Vous m'avez vu trop pauvre et trop niais. Je vous gagnerai jamais. Je serai toujours le sympathique idiot. Suzy, sympathique? Ouais, mais idiot. On frappe à la porte à côté de l'appartement. Qu'est-ce que c'est? Monsieur est rentré, dit le maître d'hôtel. Bien. Le maître n'y allait pas, dit Topaz. Si, dit Suzy. J'ai des comptes à régler, des comptes financiers. Il faut que cette rupture soit nette. Quand il sera parti, je vous ferai prévenir. Elle lui tend la main qu'il baise avec émotion. Elle sort avec un sourire presque tendre. Topaz reste seul, paraît triomphant. Entre une dactylo qui lui remet une carte, il change de visage, il hésite une seconde, puis il dit « Faites entrer ». Topaz. Tamise. Tamise. Topaz. Il se tient la main, il se regarde en face et Tamise dit à Topaz « Tu l'as coupé ?» Eh oui, dans les affaires. Ça me change beaucoup. Bah, t'as l'air d'un électeur de la Comédie-Française. Oh, je suis très content de te voir. Tamise, c'est un plaisir que tu aurais pu avoir plus tôt si je n'avais pas trouvé 5 ou 6 fois porte de boîte. D'Aquilon dû te le dire, elle me répondait toujours, monsieur le directeur n'est pas là, monsieur... J'avais même fini par m'imaginer que tu ne voulais pas me recevoir. Et je t'avoue que je le trouvais un peu fort, parce que... Mais je pense bien, dis-toi, pense deux vieux amis comme nous. Oui, surtout que j'ai quelque chose d'important à te dire. Eh bien, dis-le. Tamise, tu sais, je suis ton ami, un vieil ami sincère, et que je n'ai jamais été indiscret, mais ce que j'ai à te dire est très grave, parce qu'il s'agit de ta réputation. Ma réputation. Oui, ça me fait de la peine de te le dire, mais devant moi, on a parlé de ton associé comme d'un politicien taré. Et même un parfait honnête homme m'a laissé entendre que tu ne l'ignorais pas, que tu faisais des affaires douteuses. Douteuses. Douteuses. D'ailleurs, ces bruits ont reçu la consécration de la presse. Tiens, voici un écho qui m'a été remis par un parfait honnête homme et qui a paru il y a longtemps dans un journal des plus sérieux. Eh bien, dis-toi pas, quelles sont tes conclusions? Ben écoute, mon cher, je suis venu t'avertir. Regarde de près les affaires que tu traites avec ce monsieur. Et d'autre part, écris aux journaux pour les détromper. Mon vieux ami, je te remercie, mais je suis parfaitement fixé sur toutes les affaires que j'ai traitées jusqu'ici. Ah, elles sont pas douteuses? Pas le moindre doute. Toutes ces affaires sont de simples tripotages fondés sur le trafic d'influence, la corruption de fonctionnaires et la prévarication. Sacré te passe, dit Tamis. Mais je ne plaisante pas. Oh, dit Tamis, tu me donnes une leçon, mais j'avoue que j'avais bien mérité. Bah, que veux-tu, on m'avait dit ça avec tant d'assurance, et puis ce journal, alors moi, Et puis, je ne sais pas si c'est parce que t'as tellement l'air d'un acteur, mais j'ai presque failli te croire. Mais il faut me croire. Tout ce que j'ai fait jusqu'ici tombe sous le coup de la loi. Si la société était bien faite, je serais en prison. Qu'est-ce que tu dis? Ben, la simple vérité. Oh, t'as perdu la raison. Mais du tout! Alors quoi, c'est vrai, t'es devenu malhonnête? Tamise, mon bon ami, ne me regarde pas avec horreur et laisse-moi me défendre avant de me condamner. Oh, toi qui étais une conscience, toi qui poussais le scrupule jusqu'à la manie, je puis dire que pendant 10 ans, de toutes mes forces, de tout mon courage, de toute ma foi, j'ai accompli ma tâche de mon mieux avec le désir d'être utile. Pendant 10 ans, on m'a donné 850 francs par mois. Et un jour, parce que j'avais pas compris qu'il me demandait une injustice, l'honnête muche m'a fichu à la porte. Je t'expliquerai quelques jours comment mon destin m'a conduit ici et comment j'ai fait malgré moi plusieurs affaires illégales. Sache qu'au moment où j'attendais avec angoisse le châtiment, on m'a donné la récompense que mon humble dévouement n'avait pu obtenir, les palmes. Tamise, tu les as? Oui. Et toi? Pas encore. Tu le vois, mon pauvre ami, je suis sorti du droit chemin et je suis riche et respecté. Sophisme. Tu es respecté parce qu'on ignore ton indignité. Je l'ai cru, mais c'est pas vrai. Tu parlais tout à l'heure d'un parfait honnête homme qui t'a renseigné. Je parie que c'est muche. Oui, et si tu l'entendais s'exprimer sur ton compte, tu rougirais. Ce parfait honnête homme est venu me voir. Je lui ai dit la vérité. Il m'a offert un faux témoignage, la main de sa fille et la présidence à la distribution des prix. La présidence, mais pourquoi? Parce que j'ai de l'argent. Ah, et tu t'imagines que pour de l'argent? Mais oui, pauvre enfant que tu es. Ce journal, champion de la morale, ne voulait que 25 000 francs. Ah, l'argent. Mais t'en connais pas la valeur. Mais ouvre les yeux, regarde la vie, regarde tes contemporains. L'argent peut tout, il permet tout, il donne tout. Si je veux une maison moderne, une fausse dent invisible, la permission de faire gras le vendredi, mon éloge dans les journaux, une femme dans mon lit, mais l'obtiendrai-je par des prières, le dévouement, la vertu? Il suffit d'entrouvrir ce coffre et de lire ce petit mot. Combien? Regarde ces billets de banque, ils peuvent tenir dans ma poche, mais ils prendront la forme et la couleur de mon désir. Confort, beauté, santé, amour, honneur, puissance, il y a tout ça dans ma main. Tu t'effares, mon pauvre Tamis, mais je vais te dire un secret. Malgré les rêveurs, malgré les poètes, et peut-être malgré mon cœur, j'ai appris la plus grande leçon. Tamis, les hommes ne sont pas bons. C'est la force qui gouverne le monde, et ces petits rectangles de papier bruissants, voilà la forme moderne de la force. Eh ben, dit Tamis, il est heureux que t'aies quitté l'enseignement, car si tu devenais professeur de morale, c'est tout ce que je dirais à mes élèves, mes enfants. Les proverbes que vous voyez au mur de cette classe correspondaient peut-être à une réalité jadis. Aujourd'hui, on dirait qu'ils ne servent qu'à lancer la foule sur une fausse piste pendant que les malins se partagent la proie. Si bien qu'à notre époque, le mépris des proverbes, c'est le commencement de la fortune. Si tes professeurs avaient eu la moindre idée des réalités, voilà ce qu'ils t'auraient enseigné. Et tu serais certainement maintenant un pauvre bougre. Mon cher, je suis peut-être bougre, mais je ne suis pas pauvre. Toi, mais t'es pauvre au point de ne pas le savoir. Allons, allons, j'ai pas les moyens de me payer beaucoup de plaisirs matériels, mais les plaisirs matériels sont les plus bas. Encore une blague bien consolante. Les riches sont bien généreux avec les intellectuels. Ils nous laissent les joies de l'étude, l'honneur du travail, la sainte volupté du devoir accompli. Ils ne gardent pour eux que les plaisirs de second ordre, tels que caviar, salmi de perdrix, Rolls-Royce, champagne et chauffage central, au sein de la dangereuse oisiveté. Enfin, tu sais pourtant que je suis très heureux, dit Tamise. Mais tu pourrais l'être 1000 fois plus si tu pouvais jouir du progrès. Et pourtant, le progrès, ceux qui te l'ont permis, ce sont des gens à grosses têtes, les gens comme toi. Bah, allons donc, tu sais bien que j'ai rien inventé. Ben oui, je le sais bien. T'es pas un de ceux qui nourrissent la flamme, mais tu la protèges de tes pauvres mains, et j'ai la rage au cœur de les voir pleines d'engelures, parce que t'as jamais pu te payer ces gants de peau grise fourrés de lapin que tu regardes depuis 3 ans dans la vitrine d'un magasin. Eh, c'est vrai, mais écoute, 60 francs, je peux pourtant pas les voler. Mais c'est toi qu'on vole, puisque tu les mérites et que tu les as pas. Gagne donc de l'argent. Eh, comme toi, merci bien. Et puis moi, j'ai pas les mêmes motifs. Quels motifs? Par toutes ces théories, je vois très bien d'où elles viennent. Tu aimes une femme qui te demande de l'argent. Ben, elle a raison. Je te l'avais bien dit, Topaz, c'est une chanteuse. Et peut-être une chanteuse qui chante même pas, ça coûte cher, ça. T'as vu des femmes qui aiment les pauvres? Ah, tu vas pourtant pas dire qu'elles font toutes le même calcul. Non, dit Topaz. Je dis qu'en général, elles préfèrent les hommes qui ont de l'argent ou qui sont capables d'en gagner. Et c'est naturel. Au temps préhistorique, pendant que les hommes dépeçaient la bête abattue et s'en disputaient les lambeaux, les femmes regardaient de loin. Et quand les mâles se dispersaient en emportant chacun sa part, c'est tout ce qu'elles faisaient, les femmes. Elles suivaient amoureusement celui qui avait le plus gros beefsteak. Alors là, Topaz, tu blasphèmes. Et puis même si t'as raison, je ne veux pas te croire. Topaz, si tu n'es pas complètement pourri, fais un effort. Sauve-toi. Quitte cette femme qui t'a perdu, viens, pars tout de suite avec moi. Mais t'es fou, mon bon Tamise. Mais c'est pas moi qu'il faut sauver, c'est toi. Veux-tu quitter la pension Muche? Veux-tu travailler avec moi? Quand tu feras des affaires honnêtes, bah celles que je ferai désormais le seront. Pas pour toi. Mais pour gagner de l'argent, il faut bien le prendre à quelqu'un. Oui, mais à ce compte, il y aurait plus d'honnêtes gens. Si, il reste toi. Car viens me voir demain, nous étudierons la possibilité de changer ça. Ah non, non, non, non, non. Et surtout, s'il reste plus que moi, ils me feront peut-être une pension. Vous êtes occupé, dit Suzy qui entre. Je vous attends. Régis est parti. Elle sourit, elle sort, un silence. Tamise, c'est cette Dalila qui t'a rasé le poil. Elle est belle. Écoute, dit Topaz, veux-tu venir me voir demain matin? Oui, maintenant c'est jeudi. Eh bien, à demain, mon vieux. Excuse-moi. Tamise avec une grande indulgence. Va, je t'excuse. Topaz sort. Tamise, restée seule, regarde le bureau. Il hoche la tête. Il essaie les fauteuils de cuir. Puis il va s'asseoir au bureau de Topaz dans une attitude qu'il croit être celle d'un homme d'affaires. Brusquement, à côté de lui, le téléphone sonne. Il tressaille, il se lève d'un bond, entre une dactylo, elle prend le récepteur. Oui, monsieur le ministre. Tamise automatiquement ôte son chapeau. Non, monsieur le ministre. Ah non, monsieur le directeur est sorti. Monsieur... Demain matin, monsieur le ministre. Bien, monsieur le ministre. Elle raccroche et elle inscrit la communication sur un bloc-notes. Dites donc, mademoiselle, il y a un personnel assez nombreux. 5 dactylos. Ah, et qui est le secrétaire de monsieur Topaz? Il n'en a pas. Ah, il n'a pas de secrétaire. Et pendant qu'elle met de l'ordre sur le bureau, Tamise sort pensif pendant que doucement le rideau tombe. La radiodiffusion télévision française vous a présenté une émission publique du Club des Sept, transmise du Théâtre de Babylone, lecture à une voix, émission de Michel Polac et Guy Maxence. Aujourd'hui, Topaz, comédie de Marcel Pagnol de l'Académie française, lue par Robert Lamoureux. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 20 juillet 1954. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture. Thank you.